Deuxième entrevue avec François. Alors, il me fait plaisir maintenant pour recevoir une deuxième fois comme invité François. Alors, ici David Lévesque au micro au Québec et mon invité est présentement en France. Donc, il me fait plaisir donc de t'accueillir de nouveau, François. Donc, ça va bien? Oui, très bien. Ravi d'être là. Excellent. Donc, ça va être un plaisir pour moi aujourd'hui de discuter de différents sujets en lien, entre autres, avec le processus de développement de conscience. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que je recueille les dons. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui apprécient les enregistrements que je mets gratuitement à la disposition du public sur YouTube, également mes textes sur mon blog davidlevesque.wordpress.com et aussi de mes enregistrements en MP3 que vous pouvez télécharger sur archive.org au lien qui figure en bas de l'enregistrement présent que vous écoutez. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir un don en effectuant un virement d'argent en dollars canadiens, car je vis bien entendu au Canada, de votre compte PayPal vers le mien, lié à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Donc voilà ma petite invitation. Je vous remercie de votre écoute et là, on débute tout de suite par parler de l'eau. Alors, mon invité en préparation à la rencontre d'aujourd'hui avait envie qu'on parle de l'eau. Alors, je vais lui laisser la parole à présent pour qu'il élabore un peu sur ce sujet. Oui, David. Eh bien, oui, alors, ça m'a dit de parler de l'eau, en fait, parce que j'ai un cheminement personnel d'intégration, on va dire, de la conscience à travers l'eau, donc l'intégration dans le corps et dans les cellules, parce que l'eau, comme on le sait, est un portail entre les dimensions et les différents corps subtils et le corps physique, une interface. Notre corps physique est composé d'os, donc de minéraux agglutinés, qui sont dans un médium qui est l'eau, donc 70% à peu près ou 75% d'eau, et je sais pas, le reste en os. Et il y a quelques autres éléments, mais qui sont plus infimes. Et donc, nous sommes quelque part du minéral dans de l'eau, comme terminal de vibration. Et donc, nous sommes cette vibration, cet esprit dans ce corps, dans ce terminal. Voilà. Et du coup, en fait, chaque année, depuis à peu près 2012, ma qualité d'eau devient de plus en plus belle, de plus en plus précise et de plus en plus haute en vibration, de plus en plus saine. Attends une minute. Quand tu parles de ta qualité d'eau, est-ce que tu parles de l'eau qui est dans ton corps biologique? Alors, je parle de ma qualité d'eau extérieure, donc l'eau que je fabrique moi-même. Et après, donc, je bois. Donc, évidemment, en effet, j'ai constaté que mon corps aussi, mes cellules, se mettent à jour grâce à cette eau-là. Et juste clairement, là, c'est... Est-ce que tu dis que tu fabriques de l'eau? Est-ce que c'est que tu utilises une machine particulière? C'est quoi? Alors, en effet, donc, c'est plusieurs techniques. C'est-à-dire que, par exemple, la première année, en 2012, donc c'est comme ça que je suis arrivé à la conscience, je m'étais inspiré de fontaines à eau d'Auroville, en Inde, et j'utilisais l'osmose inverse, donc c'est une membrane végétale de filtration très fine qui ne laisse passer que la molécule d'eau. Et après, il y avait dans cette même fontaine un système de dynamisation d'eau à partir d'un condensateur à cire d'abeille qui envoie une fréquence dans l'eau et qui harmonise les molécules. Et d'ailleurs, on peut voir au microscope ces molécules harmonisées qui ont une structure extrêmement belle. Alors que si on prend de l'eau du robinet et qu'on l'observe au microscope, cette structure est complètement anarchique. Et donc, elle faisait d'autres choses, cette fontaine. J'ai réussi à mettre de la musique, puis un spectre de la lumière bleue qui donne encore de très bons résultats, et même une électrode d'argent qui fait de l'eau colloïdale. Mais ça, c'était la première année. Et petit à petit, donc, je me suis ouvert à la conscience. Donc, ça m'a fait lire des bouquins, ça m'a fait écouter des enregistrements, etc. Et d'année en année, mes systèmes, en fait, en parallèle donc d'écouter, donc de toucher de la conscience, comme la conscience supramentale, bah, ça m'a fait toucher de l'intégration de cette conscience en supraphysique, grâce à notamment à l'eau. Voilà, donc aujourd'hui, bah, pour préciser un petit peu, j'utilise donc toujours cette dynamisation et cette filtration d'eau, mais j'ai ajouté après un deuxième traitement, par exemple avec des cristaux de quartz qui ont été au soleil, pour avoir de l'information du soleil. Moi-même, je bénis l'eau ou je dynamise l'eau avec ma propre intention. On pourrait dire mon esprit ou une part de moi envoie une vibration dans l'eau qui va personnaliser l'eau pour mes cellules, pour que mes cellules prennent, on va dire, le taux vibratoire de mes compréhensions. Donc c'est une façon de s'harmoniser de façon douce. Ensuite, je mets dans un bocal avec des spirales d'argent qui créent une sorte de vortex au milieu. Voilà. Et en dernier recours, en dernière chose, si j'ai vraiment des grosses compréhensions, des grosses choses à intégrer, je vortexe l'eau, c'est-à-dire que j'ai un petit turbulent qui fait tourner l'eau, comme une petite tornade à l'intérieur du bocal, et après je bois directement cette eau-là. OK, Voilà. puis Après, de temps en oui. temps, il peut arriver que je reçoive dans une sorte de canalisation, on pourrait dire, qui me dit de prendre un bocal d'eau, de cette eau la plus pure possible, et d'aller dans la forêt, à tel endroit, sur tel vortex, et qu'elle soit encore montée en vibration, et que je boive cette eau-là. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la base à t'intéresser à faire un travail sur l'eau pour rehausser sa qualité? Bah, à la base, j'étais un peu dépité d'avoir une qualité d'eau moindre au robinet. C'est-à-dire que ma conscience a ressenti que cette qualité d'eau du robinet était mauvaise, pour moi en tout cas. Il faut croire personne. C'est-à-dire que pour moi, elle était mauvaise, pour d'autres, elle est bonne. C'est en ce sens-là que moi, j'interprète le fait de croire personne. C'est-à-dire que ce que me dit ma conscience ou mon esprit est vrai pour moi, au moment où il me le dit. Voilà. Exact. Donc, C'est du cas voilà. par cas. Donc, tout est reçu aussi sous la forme du récipient. J'ai pas peur de Exactement. mouiller pour le dire. On parle d'eau en plus. Ouais. Donc, C'est sûr. c'est sûr que c'est intéressant, ce type de considération, parce qu'à un moment donné, ce que j'avais fait, j'avais été chez ma mère qui réside à Québec, puis c'est sûr que l'eau est très chlorée. Et Oui. puis, on avait fait une expérience où on avait pris l'eau chlorée, on l'avait goûtée, et puis on avait goûté à de l'eau en bouteille sans voir d'où originait l'eau. Donc, un peu comme les gens qui ont les yeux bandés, là, c'est-à-dire sans que la personne sache d'où origine l'eau, puis on se rendait compte que l'eau en bouteille, le goût était meilleur, là. C'est ça. Mais alors là, tu parles du goût, c'est déjà une bonne indication parce qu'en effet, le goût, l'aspect de l'eau, tout ce qui va être les aspects matériels extérieurs donnent des indices ou donnent la représentation physique de l'aspect intérieur ou l'aspect multidimensionnel de ce qui se passe dans les couches les plus profondes de l'eau, en fait. Et à un moment, bah comme les animaux, en fait, je crois qu'au début, j'avais lu quelque chose comme quoi les vaches et les chats buvaient et préféraient boire dans les flaques d'eau que dans leur mangeoire. Et parce que, en fait, quand il pleut, l'eau est naturellement dynamisée par l'air, par les éclairs s'il y en a, ou par plein de procédés naturels, qui fait que bah, c'est beaucoup plus attirant vibratoirement pour un animal. Et bah pour nous aussi, et moi c'est ce que ça m'a fait un jour, je ne pouvais plus boire l'eau du robinet, tout simplement, parce que cette eau était comme morte, pour moi en tout cas. Et graduellement, j'ai aussi dû faire évoluer encore ce niveau de qualité d'eau. Et quand je pars chez quelqu'un, etc., j'emporte ma bouteille d'eau. Et c'est de l'eau qui se réplique facilement, hein, parce que l'eau a une mémoire, donc je peux compléter avec l'eau la plus pure que je trouve dans le coin, et ça dynamise quand même. Donc je n'en fais pas une affaire personnelle, on va dire que je suis flexi-aquatique, donc je peux boire quand même de l'eau extérieure, mais je privilégie toujours de l'eau la plus pure possible. Ben, ça me fait rire ton terme parce que ça me fait penser au mot flexitarien. Donc la personne Exactement. n'est pas nécessairement végétarienne, puis elle n'est pas nécessairement carnivore, mais c'est un mélange des deux. Mais sinon, c'est sûr que l'eau, c'est intéressant de s'en préoccuper, étant donné qu'après tout, il y a beaucoup de problèmes de pollution de l'eau à l'époque actuelle. Et puis, essentiellement, comme tu le mentionnes, notre corps biologique est composé d'eau, d'où l'intelligence d'absorber de l'eau qui vont favoriser notre santé. Voilà, comme tu dis, l'intelligence d'absorber ça. Mais et c'est pareil, l'intelligence de manger, l'intelligence de caresser, ça me fait toucher ce que tu évoques. On parle beaucoup de supramental, mais est-ce qu'on parle de la façon dont, donc le supramental, on pourrait dire, c'est la façon dont l'esprit parle à travers nous. Mais j'aimerais aller plus loin en abordant la façon dont l'esprit vit à travers nous. Comment l'esprit boit de l'eau, comment l'esprit fabrique son eau, comment l'esprit s'alimente, comment il cuisine, comment il caresse, comment il fait l'amour. Ben oui. Ah ouais, ça c'est intéressant aussi. Exactement. Fait que je vais te laisser élaborer un peu plus sur le sujet des implications pratiques du vécu de l'esprit au quotidien. Oui, ben, je devrais dire, ben, c'est comme pour mon expérience pour l'eau, donc que j'ai décrit avec prise de conscience au départ que la qualité d'eau était pas très bonne. Donc il y a par exemple du chlore et du fluor. Il y a un taux légal minimum de chlore et fluor dans l'eau, décrété par l'Union européenne, où vous avez sûrement aussi des normes au Canada et aux États-Unis. Et en fait, ce chlore et ce fluor sont plutôt nocifs. Et c'est ce qu'utilisaient d'ailleurs les nazis dans l'eau à de fortes doses, donc plus fortes doses que dans l'eau du robinet, je vous rassure tous. Hein. Et c'était utilisé pour rendre docile, pour saturer quelque part et empêtrer le siège de la décision, la pituitaire et la pinéale, pour les inhiber et que les soldats soient dociles. Oui, Voilà. ben apparemment, il y a des informations qui circulent que ça avait été utilisé dans les camps de concentration pour que justement les gens ne se révoltent pas et qu'ils soient plutôt passifs, C'est ça. amorphes. Ouais. Exactement. Et donc, quelque part, dans l'alimentation, dans certains médicaments, est utilisé ces matériaux, ces molécules, en beaucoup trop grandes doses, que eux justifient par des sortes de fausses enquêtes sanitaires. Mais en fait, quand on parle à son esprit, n'importe qui ne peut nous dire que le chlore, le fluor dans l'eau, c'est très mauvais et qu'il vaut mieux s'en passer. Donc tout ça pour dire que cette expérience avec l'eau, bah, je l'ai eue aussi avec l'alimentation, mais je l'ai eue aussi avec la manière de jardiner, ou avec la manière de faire l'amour, la manière de caresser, ou bien la manière de s'adresser à quelqu'un. Est-ce que je pourrais détailler, est-ce que tu as une préférence sur une thématique particulière? Est-ce que ce serait l'alimentation, le jardin? Ben, on, pourquoi pas toutes les passer en revue, là? OK. C'est sûr que juste avant d'aller dans ces considérations concernant l'eau, je voulais quand même rajouter quelques points Oui. pour clore le sujet. C'est que dans mon cas, il y a quelques années, j'avais été à un salon du mieux-être ici au Québec, puis il y avait quelqu'un qui vendait un produit pour, en fait, rendre l'eau alcaline. Donc, il fallait mélanger l'eau dans une espèce de contenant. Là, ça date de quelques années, là. Peut-être que je le décrirai pas d'une manière très précise, là. Mais pour faire une histoire courte, le taux de pH de l'eau, qui était à l'origine très acide quand il sort du robinet, était devenu plus basique, Oui. donc plus de base. Puis là, on regardait le pH qui, à l'origine, acide, c'était rouge ou jaune, puis là, ça devenait plus bleu ou vert, avec une Ah eau oui, plus c'est bien. alcaline. Et puis moi, quand j'avais goûté à cette eau-là, je la trouvais apaisante, à la différence de l'eau du robinet. Bien, sur place, il y avait une dégustation, j'avais acheté le truc. Puis c'était comme un mélange d'espèces de C'est pas des sels, mais c'est comme des pierres mélangées à de l'eau qui la rendent basique. C'est ça, Puis, je trouvais ça intéressant. Puis, le goût était plus apaisant. Sauf que par la suite, j'ai fait des vérifications au niveau scientifique. Puis, ce que j'ai compris, c'est que sur le coup, mon ego était fasciné par ça. Puis, en faisant mes recherches, j'ai réalisé que l'organisme au niveau de l'estomac est très acide. Donc, que la personne, par exemple, absorbe beaucoup d'eau de type alcaline, à la base, l'estomac est très acide par rapport au processus de dégustation. Ça fait en sorte que l'idée que si le corps est très acide, ben là, tu es plus réceptif aux maladies, aux irritations, aux inflammations, que si tu prends des trucs basiques, ça va être neutralisé. En réalité, c'est pas vrai parce que en tant que tel, ton eau alcaline, lorsqu'elle aboutit à l'estomac, elle devient acide par rapport à le milieu ambiant qui est très acide. Donc, c'était une croyance que j'avais. Fait que dans le fond, il faut faire attention aussi par rapport à l'eau, parce que là, présentement, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées pour l'épurer. Il y a des choses qui sont réelles. Puis, dans le fond, la question de la bénédiction de l'eau, ne serait-ce que l'effet placebo, on sait scientifiquement que ça donne des résultats. Donc, c'est sûr que c'est intéressant, mais ce que je dis aux gens, c'est que soyez prudents par rapport à tout ça, puis faites vos vérifications pour pas tomber dans la croyance puis être piégé là, par des formes à ce sujet. Oui, exactement. Alors c'est ça. J'ai fait aussi beaucoup de recherches et des tests de moi-même. Et je suis arrivé à des réalités aussi bien énergétiques que des réalités physiques. Il est clair qu'une eau filtrée par osmose, par exemple, osmose inverse, est forcément dépolluée de ce qui était comme métaux lourds, chlore, bactéries, etc. Donc est forcément meilleure. Donc ça, c'est pas une arnaque. Seulement, pour ce même filtre d'osmose inverse, ils coûtent de 30 euros ils sont tous faits dans la même usine aux États-Unis, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais ils coûtent de 30 euros à 3 000 euros. Donc, selon les gens ou les systèmes marketing qui sont mis en place. Moi, mes systèmes d'eau, ils ne me coûtent pas plus de 300 euros en tout. Et c'est parce que je suis très, très élaboré. Mais il y a moyen de s'en servir, de s'en. Se débrouiller pour 100, 150 euros avec les basiques essentielles. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'argent qui est fait et de capitalisation qui est générée pour ce besoin qu'a l'humanité en fait de boire de l'eau saine. Je veux revenir à ce que tu as dit sur le pH et les bandelettes test qui donnent des couleurs. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que tu as parlé pour l'acidité d'être dans le rouge ou l'orange et le jaune. Ça me fait penser au premier chakra, chakra 1, chakra 2, chakra 3, rouge, jaune, orange, ou je sais pas l'ordre, jaune, orange, rouge plutôt, où c'est acide et où en fait c'est plus animal, c'est plus basique, c'est plus de la survie. Et après, tu as parlé de la neutralité qui est plutôt vert. En effet, le réactif, quand le pH est à 7, est à vert. Et après, quand c'est plus basique, c'est le bleu, voire le violet. Donc c'est encore ce spectre des chakras qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel et qui a une réalité. C'est-à-dire qu'en effet, quand c'est trop basique, c'est pas bon, et quand c'est trop acide, c'est pas bon non plus. L'eau du robinet, le mieux donc, c'est quand c'est neutre, plutôt vert. Comme ça, en effet, notre corps, qui lui est adaptogène, donc qui s'adapte si jamais on a enfin, une eau trop alcaline ou trop basique, qui va la remettre à une certaine neutralité. Eh ben en effet, l'eau du robinet est hélas dans les premiers chakras un peu acides, ce qui va provoquer bah, aussi un état d'acidité du corps qui est un terrain propice aux maladies, alors aux maladies physiques. Alors que quand c'est trop basique, c'est plutôt propice aux maladies psychiques. Eh oui, il y a Ah, des c'est bas. intéressant parce que ça, je ne le savais pas. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs personnes parler qui disaient que c'était l'acidité qui créait des tensions dans l'organisme, l'irritation, puis ces choses-là, il fallait éviter ça à tout prix. Bah, c'est vrai, mais faut faire attention à pas tomber dans La le polarité spirituel. inverse, ouais. Voilà, ce que j'appelle le spirituel ou le baba cool, qui va du coup manger que des carottes et boire du raisin et que des trucs basiques, et va rentrer dans une trop grande spiritualité, on va dire gogo spirituel, et ça va pas être bon non plus, il va développer des sortes de maladies psychiques. Donc le mieux, c'est la neutralité, en fait. Il n'y a pas de secret. Et alors, quand je dis que mon alimentation a évolué, c'est-à-dire que petit à petit, j'ai arrêté le sucre. Ça a commencé par le sucre. OK. Et ouais, parce que le sucre, il faut savoir que notre corps, normalement, il fabrique son propre glucose à partir de légumes. À partir de haricots verts, par exemple, il y a ce qu'on appelle la glycogénogenèse qui s'effectue. C'est-à-dire que on va casser la molécule de haricot vert dans notre organisme et en faire du glucose. Sauf que plus personne n'a cette capacité-là d'activer parce que il y a du glucose partout. Dans tous les aliments, on est habitué à prendre du glucose. Ce qui fait que la cellule du corps, au lieu de prendre le glucose du corps naturel qui aurait été généré par des végétaux, va le prendre dans des additifs, dans du sucre blanc, dans plein de glucose industriel, et va devenir addict extérieurement au sucre. Et donc va toujours vouloir son sucre. Voilà, faites l'expérience, ceux qui mangent du sucre, de ne pas manger aucun produit sucré pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est très dur de le faire parce que tout en contient, sauf les produits de base non raffinés, tels que la courgette, la tomate, voilà, ou le blé, tout ce qui n'est pas cuisiné ou raffiné, n'ont pas de sucre. Ben, en lien avec ce que tu dis, moi, je suis en période, là, j'ai commencé, en fait, le 1er février, le jour de mon anniversaire, à pratiquer le végétarisme, non? Ah, c'est très intéressant ça. Total. Donc, arrêter complètement manger de la viande. Ouais. Puis là, au moment où je vous parle, on est rendu le 23 février et je tiens toujours le cap. Donc, arrêter manger de la viande, pour moi, présentement, en tout cas, c'est assez facile en termes d'adaptation. Par contre, d'arrêter de prendre du sucre, puis prendre des desserts avec un petit peu de sucré, oh là là, j'ai déjà essayé, puis Bien sûr. c'est très dur, ouais. Alors, je vais te partager mes petites astuces parce que là, ça vaut le coup. Parce que l'idée de c'est Et c'est ça l'esprit en fait dans la matière, c'est que ce soit agréable et que ce soit jouissif d'arrêter le sucre. Parce qu'arrêter le sucre, ça ne veut pas dire se priver de sucre. Ça veut dire trouver des manières intelligentes d'agir sans sucre. Et il y en a. Par exemple, il y a bah, au Canada, vous avez le sirop d'érable, qui est une magnifique sève naturelle d'un arbre. Qui a sélectionné tous les oligo-éléments et qui n'a pas beaucoup de glycémie, et donc qui est très sain et qui sucre beaucoup, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc tu mets un petit peu dans une pâtisserie, ça sucre beaucoup plus que le sucre blanc, qui lui est nocif et te crée de l'acidité dans le corps d'ailleurs. Tout ce qui est alcool, sucre et viande, ça te crée du jaune, du rouge, du chakra 1 et 2. De l'animalité, de l'acidité en excès. Donc, c'est basique. On va dire que pour digérer l'alcool, le sucre ou la viande, il faut que ton estomac génère des sucs digestifs de pH 1, 2 ou 3 pour attaquer ça. Voilà. Donc, c'est pas très. Donc, en effet, il vaut mieux réduire et pas avoir une alimentation composée que de ça. Je finis sur Oui. ça en disant que les légumes, en général, eux sont plutôt neutres ou légèrement basiques. Et d'ailleurs, pour se digérer, les végétaux, ils ont besoin d'un milieu basique. Et parce que le milieu basique aussi, il est agressif il permet de décomposer, il agit comme l'acidité. Si on trempe un doigt ou quelque chose dans quelque chose de très très très basique, de l'ordre de 12-13, bah il va se décomposer de façon très forte, comme si on trempait dans un acide au pH de 1. Tu vois? C'est intéressant de savoir ça. Mais l'information que j'avais eue, par contre, au niveau scientifique, c'était que par rapport à notre estomac, naturellement, puis il est programmé pour être basique, il s'adapterait pas à devenir, par exemple, acide, pardon, il s'adapterait pas pour devenir plus basique selon ce qu'on mange, de ce que j'avais Alors, ben, compris. si, moi j'ai eu l'autre information, OK. c'est-à-dire que quand tu es plutôt carnivore, mange du sucre ou de l'alcool, il va être adapté à digérer cela, donc il va être beaucoup plus, beaucoup plus acide. OK. Mais, et quand tu deviens végétarien, et c'était mon cas, donc avant j'avais un peu des aigreurs d'estomac, hein, quand j'étais un peu carnivore à l'époque, avant 2012, et que je mangeais du sucre. Et petit à petit, ça s'est basifié. Je ne veux pas dire que c'est devenu totalement basique, mais c'est plutôt, ça réduit la fourchette autour du neutre, tu vois. Donc le 7, c'est le neutre. Ben moi, c'était plus entre 6 et 8. Alors Ok. qu'avant, c'était entre 1 et 14, tu vois. Enfin, on pourrait dire ça. Ou même non, c'était entre 1 et 8. Parce que ça touche, ça allait même plus, même pas dans le haut. Je restais dans les premiers chakras. Donc en fait, c'est vrai que le fait de devenir végétarien, d'enlever le sucre, d'arrêter l'alcool, quelque part, on s'élève spirituellement, vibratoirement. Mais attention à pas y aller d'un seul coup parce que l'estomac, en effet, ou les cellules, elles se réadaptent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un spectre trop acide à un spectre directement réduit dans l'acidité. Donc il faut y aller progressivement. Et le sucre est une des premières choses vraiment à changer. D'ailleurs, moi maintenant, je prends quasiment plus de sucre à part donc le sirop d'érable où il y a encore la sève de qui-tuve, qui est vraiment intéressante. Pareil, c'est la sève d'un arbre qui est sucré. Il y a aussi le xylitol, c'est la sève de bouleau. Donc, le bouleau, c'est un arbre à écorce blanche qu'on peut prendre et faire évaporer. Et ça fait aussi un sucre qui est exceptionnel, qui a un indice glycémique quasi zéro. Donc on a tous les avantages du sucré dans sa pâtisserie, mais on n'en a pas les inconvénients de l'acidité générée pour digérer ça. Et on n'a plus non plus l'addiction, comme on pourrait avoir à une drogue, et comme tout le monde a. Tu sais, il y en a qui sont malades de Coca-Cola, mais il y en a qui sont malades de sucre, donc de pâtisserie, donc de repas préparés, qui vont avoir besoin de leur boisson sucrée parce que leur cellule, et ça, et eux, ils n'en sont pas conscients, mais la cellule est dépendante de l'extérieur pour avoir son glucose au lieu de générer elle-même intérieurement son glucose à partir de la glycogénogenèse. Oui, ben c'est intéressant. Ça nous amène dans un principe d'autonomie, comme Voilà. par exemple l'individu doit être autonome pour gérer lui-même son savoir plutôt que de dépendre d'enregistrements de gens qui parlent de conscience supramentale. Exactement, David, et tu fais bien de le dire. Et d'ailleurs, moi maintenant, je n'écoute plus d'enregistrement. Et bah là, je pense que pareil, là, j'ai été très content de parler avec toi ces deux fois. Et je pense qu'après, je parlerai plus, mais je vivrai encore plus. Ben, attends une Parce... minute, là, t'es encore jeune, là. Je veux dire, t'as 30 ans, là. Tu sais, Oui, bien. je veux dire, en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais il me semble, t'étais un peu jeune pour arrêter de parler. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que franchement, là, j'ai eu la compréhension profonde de cette année que parler, c'est encore une façon extérieure de se développer et de développer les autres, entre guillemets. Alors que vivre et incarner ce qu'on dit, eh ben là, c'est une façon intérieure et qui change notre ADN éthérique et l'ADN de l'humanité de façon beaucoup plus efficace. Donc, Mais j'ai pourquoi remarqué pas que les moi, deux? en... hein? Mais pourquoi pas les deux? C'est-à-dire qu'après tout, si on devient des êtres intégrales en se conscientisant, on va être capable d'interagir avec l'environnement, l'intériorité. Pourquoi pas toucher Bah, aux très deux bonne êtres? question. Ouais. Eh ben, je voudrais changer la forme de parler. C'est-à-dire que, OK, vivre et parler, mais parler autour de moi, à mes voisins ou à ceux qui passent dans mon village, voir mon jardin de permaculture, par exemple, ou voir mes systèmes d'eau. OK, mais pas qu'il y ait de volonté de ma part. C'est-à-dire que je veux laisser dans le vide ma parole. Que si quelqu'un doit me croiser, il me croisera, ou si c'est quelqu'un qui va arriver dans mon jardin avec sa caméra et son micro, pourquoi pas? Là, ce sera pas de ma volonté. Mais si, avec ma volonté, je fais pression pour avoir un enregistrement avec David Lévesque, par exemple, et ben là, c'est pas, tu vois, c'est que j'ai un intérêt à faire ça, donc c'est pas gratuit. J'attends de la reconnaissance ou j'attends quelque chose. Donc, c'est pas vraiment moi qui vais parler. Ben, ça va quand même être moi, mais ce sera un peu dévié. Ben, c'est sûr que ça dépend en effet si ça vient de l'ego ou de l'esprit, Voilà. la vibration de parler. Mais dans le fond, il peut y avoir des gens qui ont la vibration de l'esprit, puis ça leur dit intérieurement de faire des enregistrements aussi. Voilà. Exactement. Il y en a pour qui c'est vraiment la mission. Ben, toi, par exemple, c'est clairement ça. Tu es clairement mis en vibration pour interviewer beaucoup de monde. D'ailleurs, tu dois être l'un des seuls à faire ça, une diversité aussi belle. Toi, il y en a, ils se focalisent sur une ou deux personnes qui les a marquées, mais toi, tu te focalises sur des vibrations qui t'ont marqué. Ça, c'est très intéressant. Oui, Mais moi, exactement. Oui. voilà, moi, je sens pas que pour moi ce soit, même si j'arrive à parler, hein, c'est pas le problème, mais je pense pas que ce soit une finalité. Tu vois, moi, je me sens plus dans le jardin, dans l'exploration à deux avec la femme, dans le couple, ou dans la gestion des fleurs, des plantes, des animaux, voilà, de ma vie déjà. Et ma promenade dans la forêt, la cueillette des plantes sauvages. Et finalement, j'en apprends énormément sur le cosmos et sur tout comment fonctionne mon corps et donc mon esprit à travers, par exemple, le jardin. J'aimerais parler un peu du jardin, ça va être ça, il y a plein de choses à dire on va faire les rapprochements en matière et antimatière ou esprit et corps grâce au jardin. Ça, je sens qu'il y a des trucs qui vont arriver. Oui, exactement. De toute façon, ce qu'une personne est parle plus que ce qu'elle dit. C'est-à-dire que la vibration qu'une personne dégage implicitement, c'est son essence qu'elle communique. Ben c'est ça. En parlant dans un enregistrement, je touche que ceux qui écoutent. En vivant dans mon corps ce que je dis, ce que je parle, eh ben, je touche 100% de l'humanité. Parce qu'on est tous connectés par nos cellules. Comme les gouttes d'eau de l'océan. Exactement. Exactement. D'ailleurs, il y a toujours eu la même quantité d'eau sur Terre depuis le début de l'humanité. C'est toujours la même eau qui s'est évaporée quand on a uriné. Qui est retombé sous forme de pluie, qui a arrosé un arbre, qu'on a bu sous forme après de sève ou d'érable par exemple, et que après on a réuriné, etc. Et c'est un cycle qui est magnifique. Exactement. Rien ne se crée, rien ne s'opère, tout se transforme, pour citer Lavoisier, là. Donc, c'est sûr qu'en effet, c'est tout le temps la même substance. C'est comme l'énergie fondamentale de l'univers qui est une, mais qui existe à travers des individus par rapport à un coefficient d'individuation multiple qui donne la possibilité d'avoir des consciences individuées qui sont différentes. Oui, c'est vrai. Là, ils Mais, disent que, enfin, oui. j'entends que la matière n'existe pas sans l'antimatière, que Lavoisier n'avait pas tort dans un sens, mais que c'était pas complet ce qu'il avait dit. Tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Si, en fait, tout se crée, c'est plutôt tout se crée, tout se perd, tout se transforme. Dans le sens que pour l'instant on a accès au visible, on n'a pas accès à l'invisible. Mais dans la réalité invisible, on peut perdre, on peut transformer, on peut créer. En gros, on peut faire une addition, on peut faire une soustraction et on peut faire une égalité. Ouais. Et ça se répercute dans la matière. Ah ouais, on peut faire. Ouais, bon, enfin bon, voilà. On va pas rentrer trop dans les détails, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Oui, par contre, c'est sûr que si on élargit sa citation au cosmos, en incluant le visible et l'invisible, en réalité, que ce soit de l'énergie densifiée dans la matière ou à l'état éthérique, en réalité, c'est toujours la même énergie, fondamentalement, Oui, qui est là. c'est ça, c'est la même énergie qui irradie. Par contre, là, tu vois, je détecte des cosmos ou des étoiles ou des supra-univers qui s'auto-engendrent. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles espèces. Ben, là, je dis ça, ça fait trop futuriste, mais pour redescendre dans la matière, je vois des nouveaux champignons, des nouveaux insectes qui émergent dans le sol. Et du coup, je vois qu'il y a des choses qui se créent quand même. Oui, ben je comprends. Dans le sens que la réalité est un processus perpétuel de recréation et non pas de récréation, quoique ça peut être agréable, Certes. de l'énergie qui va se métaboliser, se constituer de formes variables qui vont émerger selon les programmations, que ce soit au niveau astral, mental, etc., qui vont donner une pluralité de formes qui vont toujours se développer parce que ça permet de créer une dynamisation de l'univers. Oui, Donc, exactement. c'est des C'est ça. considérations extrêmement profondes dans lesquelles on peut aller. Je ne pensais pas de me rendre avec toi sur ce terrain-là aujourd'hui. Ben pourquoi pas? Ben oui, C'est ce qui exactement, il ne dérange. faut pas se limiter. Mais je voulais quand même te laisser parler de jardinage, là, vu que je t'ai interrompu pour parler d'un autre sujet. Ah non, mais c'était intéressant. Et tout est lié. Parce qu'on va voir qu'avec le jardinage, je vais en parler brièvement parce que je pourrais en parler trop longtemps sinon. Eh ben, il y a beaucoup de choses de l'esprit qui sont. Ben, en fait, tout est là. tout est dans tout. Donc tout est dans la promenade, tout est dans le jardinage, tout est dans l'eau, tout est dans la cuisine. Donc par exemple, moi je pratique ce qu'est la permaculture, c'est-à-dire la culture permanente où on cultive la terre et on ne cultive pas les légumes. On cultive la terre dans le sens que on va la laisser être, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à la vie qui est déjà bien faite et qui, quand on a quelques connaissances, on va dire de l'esprit par exemple, on peut voir que le sol est plein de microbactéries qui vont décomposer les feuilles, plein d'insectes qui vont enrichir, qui vont les vers de terre qui vont faire des crottes, qui vont aérer la terre, les taupes, etc. Et plein d'insectes aussi donc qui vont faire des galeries et des champignons, des réseaux de champignons par exemple qu'on appelle les mycorhizes, qui vont dans une forêt relier tous les arbres entre eux et vivre en symbiose donc ces champignons avec les racines des arbres. C'est-à-dire que les racines des arbres émettent des espèces de phéromones qui vont faire que les champignons vont pousser dessus, donc c'est des micro-champignons, et qui vont après tisser des liens très loin avec d'autres arbres. Ce qui fait que dès que des nutriments arrivent dans la forêt, imaginons qu'un animal meurt quelque part et se décompose, et ben, un arbre qui aura besoin de ces nutriments et qui se situe à 15 km de là pourra avoir ses nutriments via le réseau de champignons. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement, biologiquement. Donc en permac, voilà. Ouais, dans le sens que les champignons vont relayer le matériel de l'animal décomposé à l'arbre. C'est ça. Et les mycorhizes, c'est des micro-champignons. C'est des champignons subtils. C'est pas des gros champignons qu'on voit, qu'on mange, genre le bolet, la pleurote, etc. C'est des champignons microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, quoique on peut en voir certains quand ils sont bien agglutinés, on les voit un peu blancs, et ils se forment quand on a laissé le sol au moins 3 ans en autonomie, et surtout que le sol est couvert par une couche de paillis, donc de paille ou d'herbe ou de bois ou tout ce qu'on veut, qui va protéger la terre des rayons du soleil qui va, et de l'air, qui va faire déjà que les mauvaises herbes, entre guillemets, parce que les mauvaises herbes n'existent pas, il n'y a que des bonnes herbes, qui va faire que les mauvaises herbes ne poussent pas. Et donc, il n'y a que les légumes qu'on aura plantés, ou les fruits, qui vont pousser. Et d'ailleurs, une mauvaise herbe, elle a son, et c'est ce qu'on apprend au jardin, elle a son utilité. Une mauvaise herbe n'est pas forcément mauvaise. Il n'y a pas de bien et de mal au jardin. Il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire que quand la terre est laissée à nu, sans paillis, eh ben, des herbes apparaissent pour couvrir la terre et pour qu'elle ne soit pas irradiée par le soleil. Et ça me fait penser à l'astral. Quand tu laisses ton corps à nu, enfin quand tu ne te couvres pas et que tu te t'es pas dans un état aligné, va pousser des mauvaises herbes sur toi. Donc l'astral va intervenir pour en fait rééquilibrer quelque chose qui est de l'ordre de, pour pas que tu te chopes des rayons du soleil qui vont te griller ou faire évaporer toute ton eau avant que tu aies pu faire pousser les légumes. Donc, autrement dit, c'est un peu comme l'astral qui va voler l'individu s'il n'a pas la capacité d'intercepter le soleil du réel, c'est-à-dire son esprit. C'est-à-dire C'est ça. qu'il y ait des interférences astrales entre l'être humain et la source, ça n'a pas une utilité temporaire tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas le taux vibratoire suffisamment élevé pour être capable de contenir, capable d'absorber la vibration de sa contrepartie cosmique sans se sentir brûlé par elle. Totalement. Et c'est ce qui se passe au jardin. Quand on dit que un paillage, donc mettre de la paille au-dessus des légumes et des arbres, vaut 3 arrosages. Donc on économise de l'eau et on protège la terre et on favorise une biodiversité exceptionnelle. Donc on favorise la vie qui passe à travers la terre. Alors que, donc ça c'est la permaculture, hein, la culture de la terre. Alors que dans les champs actuels, on voit une grande majorité, mais ça change beaucoup, là il y a beaucoup de permaculteurs qui se réveillent, qui s'éveillent. Dans les champs actuels, on voit beaucoup de terres complètement nues. Même mon grand-père faisait des légumes, mais avec des terres complètement nues. Il avait beaucoup moins de rendement. Il devait tout le temps désherber et il devait tout le temps arroser et il devait tout le temps remettre de l'engrais. Enfin, c'était tout un processus extérieur inconscient. Alors que maintenant, on arrive à des techniques conscientes où on fait la terre une fois, on la laisse tranquille et ça se ressème tout seul et on n'a plus qu'à récolter au bon moment et de temps en temps remettre un peu de paillis et puis voilà. Mais pour ce qui est du pays, par contre, c'est sûr que dans le fond, dans ma famille, il y a des gens qui ont fait un peu de jardinage. Puis souvent, la problématique, c'est qu'il y avait tout le temps, une fois le paillis mis là, dans les jours qui suivent, c'est sûr, avec la pluie, puis bon, les choses de la nature, des herbes qui poussaient à travers le paillis, là, avec le temps. À moins que tu mettes une très grosse couche de paillis, là, Des c'est. êtres, tu veux dire les arbres? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des petits arbres ou des mauvaises herbes là, tu sais, qui poussaient à travers le paillis. Ah, alors ça s'analyse aussi. Il faut savoir pourquoi ces herbes poussent, pourquoi ces arbres-là particulièrement. Parce que en général, un sol, il a telle acidité, telle composition minérale, et il tend vers un équilibre parfait, comme notre corps en fait. Et du coup, quand il manque quelque chose, par exemple, les pelouses, elles sont souvent acides parce qu'on met une terre de chantier. Une terre un peu pourrie, un peu morte. La terre de chantier plutôt blanche ou jaune, voire légèrement marron, mais jamais noire. Parce qu'elle coûte moins cher, cette terre. Et cette terre est très acide. Et du coup, va pousser naturellement des pâquerettes. Des pâquerettes. Tu vois la pâquerette, ce que c'est? Non, désolé, j'ai peu de connaissances en matière d'agriculture, là. C'est une Bah, fleur? le pissenlit, peut-être? Oui, ah oui, ben cette expression-là est utilisée communément au Québec, là, oui. Oui. Manger le pissenlit par la racine, certes. Ouais, c'est une belle expression. Ouais. Eh ben, la pâquerette ou le pissenlit, par exemple, sont deux herbes deux plantes qu'on dit mauvaises herbes, mais qui sont toutes les deux comestibles. C'est-à-dire qu'on peut manger aussi bien les fleurs que les feuilles que les racines en salade, et qui vont pousser naturellement dans les pelouses parce que la terre est acide. Donc pareil, ça va vouloir rééquilibrer. Quand ces plantes vont pousser, elles vont rendre le sol beaucoup plus basique et en se décomposant après, bah, jusqu'à une neutralité totale. Tu vois? Et pareil, il y a certains arbres comme les bouleaux. Le bouleau, c'est un arbre blanc qui donne une sève exceptionnelle qu'on a dans nos régions ici, en France, et qui pousse quand la terre est trop acide. Donc il y a toute une intelligence de rééquilibrage. Par exemple aussi les ronces. Tout le monde croit que les ronces, c'est mauvais. Mais en fait, les ronces, ça pousse là où la terre est morte. C'est-à-dire quand il y a eu de l'agriculture intensive et qu'il n'y a plus rien dans la terre, dans un endroit, bah, c'est les ronces qui vont venir en premier pour faire de grosses épines et pour se répandre très largement et que personne n'accède à la terre et que ça protège la terre. Et qu'au bout de 2-3 ans, la terre se devienne magnifique, se régénère, qu'il y ait des insectes qui reviennent, des mycorhizes et tout. Et après, les ronces, naturellement, vont partir et laisser place aux plantes sauvages et aux petits arbres, etc. Ah, c'est intéressant. C'est Ah sûr oui. ce qui me vient en tête, c'est que dans le fond, ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est l'interférence de l'ego. Comme nous autres, ici au Voilà. Québec, par souci de l'esthétisme, on va enlever systématiquement les pissenlits dans le gazon pour qu'ils soient d'un vert uniforme, Ben c'est ça, je sais. qui crée Ici les aussi, mais problèmes. c'est une bêtise. Ouais. Pareil, les orties, nous, c'est la guerre aux orties. Tout le monde croit que les orties sont mauvais parce que ça pique, etc. Or, l'ortie est un super aliment. Tu sais, parfois, on achète des aliments tels que la spiruline du chanvre ou des trucs très chers, genre à 50 euros le kilo en poudre. Mais tu prends de l'ortie, tout court, tu le laisses sécher, tu en fais de la poudre et c'est extrêmement riche, tu vois. Ça contient 3 fois plus de vitamine C que les oranges, beaucoup plus de magnésium que les lentilles, et de fer. Ça contient 30% de sa masse sèche de la protéine complète, donc avec tous les acides aminés. Donc limite, tu peux survivre avec tes protéines en mangeant des orties. Et d'ailleurs, tu peux faire des super bonnes soupes à l'ortie, du pesto d'ortie, de l'ortie en salade. L'ortie ne pique plus au bout de 6 heures une fois qu'elles sont cueillies. Donc tu vois, c'est une plante qui est, on va dire, égoïquement en effet interprétée, alors que c'est une herbe au jardin qui est superbe. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que pour la première fois, il y a 2 ans, dans une jardinerie, j'ai vu vente de graines d'ortie. Bon. Mais bon, à côté, il y avait un gros rayon Roundup de Monsanto qui vendait des désherbants à orties Donc, tu vois, ils sont pas très logiques dans leur truc. Tu vois. Ils commencent, c'est la logique commerciale qui disent pour l'instant, on vend plus de désherbants, donc ça nous fait plus d'argent, plus de profit. Mais il y en a qui commencent à vouloir planter des orties pour les manger, du coup, on va vendre des graines. Ouais, c'est sûr qu'à première vue, ça peut paraître contradictoire, là. Ouais. Mais c'est sûr que tout sert. Ça nous ramène à ce principe-là. Voilà. Et donc, attends, donc, sur le jardin, pour finir. Encore un truc qui me vient, parce que là ça enchaîne, ça me raconte. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, une fois, je sais pas, c'était à 3 ans, je jardinais. Et je voyais un voisin qui avait un paratonnerre sur son toit. Et j'ai remarqué qu'autour de son paratonnerre, bah, la végétation avait poussé, mais de façon luxuriante, alors que dans mon jardin, ça avait moins bien poussé. Il avait même des tomates qui avaient poussé pas loin de son paratonnerre. Parce que le paratonnerre est relié à un piquet de terre dans le sol. Donc c'est comme un grand râteau, un grand hérisson en métal qui est relié au sol. Et donc j'ai tapé sur Internet paratonnerre, tout ça, et je suis tombé sur ce qu'on appelle l'électroculture. Et là j'ai fait tilt, mon esprit m'a fait, OK, François, là c'est ça, c'est important que tu t'intéresses à ça. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait l'électroculture, ça crée. Bah, comme une pile, comme nous, comme notre corps touche la terre et le ciel, tu vois, on est une interface entre le ciel et la terre avec notre corps, et ben dans le jardin, et ben c'est la même chose, on peut mettre une antenne d'électroculture, c'est-à-dire un grand piquet de métal au milieu du jardin qui touche le sol, et un grand piquet, par exemple, moi j'ai un grand bambou qui va en l'air jusqu'à 6 mètres de haut avec un hérisson au bout. Et les protons du soleil émis par le soleil vont être captés par le paratonnerre et vont favoriser la photosynthèse. Et les électrons de la Terre vont être aussi attirés dans la Terre et vont être suivis par l'eau. Donc l'eau va irriguer nos cultures par le dessous, attirée par le paratonnerre. Et c'est une façon de cultiver où tu plantes l'antenne une fois et après tu es tranquille et où tu as un tiers en moyenne de production et de productivité en plus, tu vois, et tu as OK, moins besoin mais d'arroser. je t'interromps ici parce que tu parlais de l'antenne qui capte le soleil. C'est-tu le soleil ou l'éclair? Eh ben non, c'est ni le soleil ni l'éclair, ce sont des énergies, je ne sais pas exactement lesquelles, mais je sais qu'il y a une ionisation, donc il y a des protons qui viennent favoriser la photosynthèse faite au niveau des feuilles. Mais c'est, on pourrait dire, vibratoire, c'est l'énergie en fait. Il se passe quelque chose d'ordre certes biologique si on analyse, mais moi je-même, je ne sais pas bien. Tout ce que je sais, c'est que ça marche et que ça m'a bien guidé à faire ça, donc je le fais, je constate et je pense que la science découvrira plus tard ce que ça fait exactement au niveau des ondes. Mais ça capte, ce qui est sûr, c'est ça capte les ondes de la Terre et des ondes du ciel et ça les réunit de façon encore plus forte. Ben oui, ben c'est sûr que l'essentiel, c'est le résultat. Peu importe si on comprend ou non le comment, l'important, c'est que ça puisse permettre d'améliorer la qualité du jardinage. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de conscience supraphysique où en fait tu jardines tranquillement et tout d'un coup tu te rends compte que bah tiens, il y a une antenne à côté qui produit des choses et tu te mets à faire des essais, à comprendre comment ça marche. Tu vois, ça me fait penser à Newton qui dormait sous un arbre et on dit qu'il y a une pomme qui lui est tombée dessus et là il a compris la gravité. Mais c'est un peu ce système-là. Donc là je te parlais de l'électroculture. Mais après, bon, moi, dans mon cas, ça a poussé beaucoup plus loin. Ça a poussé à me faire expérimenter de placer tel caillou ici, tel minéraux ici, parce que ça allait aider tel truc, et puis le déplacer, tu vois. Ou créer une pyramide, de prendre trois grands bambous et faire une pyramide, plutôt quatre, et faire une pyramide et planter des choses en dessous. Et ça germait beaucoup plus rapidement que si je faisais germer les mêmes graines à côté. Ah, ben, ça me surprend parce que dans le fond, ben, il y a plusieurs années, en tout cas au Québec, il y avait eu une vague d'engouement là, pour la forme de la pyramide. Puis il y avait eu des recherches qui avaient été faites par rapport à. Il y avait des croyances qui étaient véhiculées, comme par exemple mettre une lame de rasoir sous la forme d'une pyramide, ça allait faire que la lame de rasoir deviendrait aiguisée de nouveau. tout seul, Oula, mais ah ça oui. s'est pas actualisé. Puis là, les gens ont dit que c'était des croyances, puis que dans le fond, il y avait eu des abus qui avaient été faits en lien avec ça. Mais par rapport à toi, dans le fond, c'est pas quelque chose que tu as lu, c'est quelque chose que tu as expérimenté, fait que tu as vu le concret de ça. C'est ça, il faut croire personne, parce que ce que je fais moi avec ma conscience dans ma pyramide en bambou, d'ailleurs j'ai vu aussi sur internet, il y en a, ils font les pyramides en cuivre. Mais, et bon, ça marche, etc., certes, mais moi ça m'a dit de la faire en bambou. Bon, j'ai fait en bambou, ça a marché. Mais donc j'ai pas cru ce qu'ils m'ont dit sur la pyramide en cuivre, et moi faut pas me croire sur ma pyramide en bambou, parce que quelqu'un ce sera peut-être un ovale ou autre chose, une autre forme. D'ailleurs, peut-être que ma pyramide, un jour, ça me dira de l'enlever et de faire une autre chose. Et c'est ce que ça fait, c'est évolutif, c'est vivant, et ça fait changer de forme souvent, et c'est des choses de plus en plus complexes, et enfin, dans la simplicité, parce que ça peut être complexe et dans ce que ça peut faire penser comme technologie futuriste de faire une pyramide, mais ça reste quatre bambous qui sont mis, et ça m'a pris 5 minutes, tu vois. Ouais, fait que c'est un petit peu paradoxal, la complexité dans la simplicité. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement, mais c'est sûr qu'il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il peut avoir la forme en tant que telle, mais il peut avoir aussi l'intention de l'individu qui projette son énergie par rapport à une expérience ou à quelque chose qui peut interférer sur celle-ci, parce qu'après tout, tout est interrelié puis on est séparé de rien. Mais exactement, et si tu veux voir où quelqu'un en est dans le supramental, tu lui fais, vas-y, montre-moi comment c'est dans ta maison, comment tu manges, comment est ton jardin. Est-ce que déjà tu as un intérieur et extérieur équilibré? Est-ce que tu as un masculin et féminin? Ou est-ce que tu es tout le temps dans ton appartement? Est-ce que tu sors un peu? Quel est ton ratio de sortie par rapport à si tu es tout le temps, est-ce que tu es tout le temps dehors? Ou est-ce que tu es tout le temps dedans? Ou est-ce que tu es équilibré? Tu vois, déjà, ça, c'est une indication de savoir si la personne est équilibrée dans ses polarités. Et après, tu peux voir si la personne est dans sa tête, comment c'est? Est-ce qu'elle est perturbée? Sa maison ou son jardin sont en bordel? Est-ce que c'est perturbé en haut ou en bas? Donc, si c'est perturbé en haut, le jardin est en bordel. Si c'est perturbé en bas, la maison est en bordel. Tu vois, il y a plein de petits indicateurs comme ça. Oui, ben justement, ça me fait penser aux émissions de télévision où il y a des gens qui ont des problèmes d'accumulation compulsive, là. Oui. Et là, ils font des thérapies, puis sont accompagnés avec des gens pour rejeter, pardon, des choses qui encombrent leur maison pour libérer de l'espace. Ben voilà. Et quand que j'écoute ça me fait penser à libérer sa psyché de toutes les mémoires qui nous empêchent d'avoir de la fluidité. Souvent, les Exactement. gens, quand ils vont se décombrer, ben, ils ont une grosse vibration astrale, puis on sent que c'est lourd dans le mental, puis les attachements émotifs à la forme, puis aux objets, puis aux souvenirs du passé qui sont très présents, là. Ben absolument, parce que pourquoi on garderait un vase moche qui sert à rien dans notre maison, à part parce qu'elle nous rappelle notre maman? Qui avait ce vase-là et qu'on a encore peur de perdre la maternité et que peur d'être autonome. Donc voilà, si on travaille sur cet aspect-là de nous-mêmes à travers ce vase, ben un jour, je peux t'assurer qu'on a envie de le foutre à la poubelle et on est bien content même. Oui, exactement. Mais c'est sûr que je peux parler de mon expérience. Il y a plusieurs années, j'étais fasciné par le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui touchait aux phénomènes extraterrestres, l'ésotérisme, Oh puis, là là. puis aussi différentes personnes qui canalisaient des choses, les archanges, puis ces choses-là. Et ça me dit intérieurement que pour évoluer, il fallait que je me dépouille des livres de spiritualité qui prenaient beaucoup de place. J'en avais peut-être au-dessus d'une cinquantaine facilement. Et je me suis mis en action, puis je me suis dépouillé de ça. Puis j'ai eu à vivre une certaine forme de deuil par rapport à ça pour m'alléger, alléger aussi mon espace de vie. Donc, en me libérant de ces livres-là, de ces poids, de ces charges qui étaient là, ben c'est plus fluide aussi dans ma maison, puis je me sens plus Ah épuré aussi ouais. dans le mental. Bah ça, c'est un très beau témoignage parce qu'en effet, une fois que tu as la connaissance du livre qui est en toi, bah tu peux faire circuler la forme extérieure, tu n'en as plus besoin en fait. Oui, une fois que c'est intégré, ce que le livre pouvait te permettre d'intégrer, tu n'en as plus besoin. Puis tu n'as même pas besoin d'intérioriser ou de mémoriser le matériel, parce Ah qu'après tout, tu as juste à te brancher psychiquement sur l'esprit, puis tu as accès à toute information. En réalité, je me rattachais à des livres ou des gens qui canalisaient des entités comme Seth, Cryan, il y avait aussi Ramtha. Des fois, c'est des choses intéressantes qu'ils vont dire, mais Je me branchais sur leurs vibrations parce que je n'étais pas capable d'assumer le fait que je pouvais me brancher moi-même sur la connaissance, sur l'esprit. Bien sûr, je pense que les personnes qui ont une grosse bibliothèque, c'est ceux qui ont le moins de confiance dans le savoir qu'ils ont intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le savoir de tous leurs livres, mais ça veut dire qu'ils n'en ont pas la maîtrise ou l'usage. C'est-à-dire qu'ils vont les garder les livres au cas où, alors qu'ils pourraient très bien se l'approprier et être leur propre autorité intérieure et non garder l'autorité extérieure du livre ou de l'auteur du livre. Tu Oui, vois? je comprends ce que tu veux dire. En fait, je le dirais pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, en effet, qu'il y a des gens qui accumulent des choses pour des raisons d'insécurité psychologique, puis ça les alourdit, en effet. Exactement, tu fais bien de dire que c'est pas systématique parce que là je trouve un peu trop un peu trop dur Oui, de systématique là-dessus. exactement. Moi, je fais attention, c'est sûr, dans mes enregistrements que je fais par rapport au public. De pas être trop systématique Absolu. parce Parce que que l'esprit est un peu absolu, mais c'est un peu une dictature parfois. Je pense qu'il faut un peu modérer et redescendre un peu dans l'humain. C'est plus intéressant. oui, exactement, parce que si admettons quelqu'un qui dit le karma de la femme, c'est l'amour ou le relationnel, puis le karma de l'homme, c'est le travail, Ouais. mais ça peut qu'il y ait des gens qui ont des hommes qui ont des problèmes au niveau relationnel, puis des Ah, femmes au bien sûr. niveau du travail, fait que c'est pas systématiquement ça tout le temps, à 100% du temps, Ah, là. bien sûr. Sachant qu'on a tous une part de masculin, une part de féminin, donc on Exactement. a. Voilà, ça c'est clair. Pour en revenir sur les livres, du coup, pareil, si jamais je lis un livre, mais j'en lis plus maintenant, je le fais circuler dès que j'ai fini de le lire. C'est une façon de me l'approprier, de l'intégrer intérieurement. Et je ne garde, là j'ai peut-être que 10 livres maximum, je ne garde que les livres vibratoires multidimensionnels que parfois j'ai envie de laisser infuser pendant que je dors à côté de moi ou quelque chose comme ça. Voilà. Que je lis même pas forcément en fait. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr que chaque livre est porteuse d'une vibration. Oui. Et puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient intéressant d'être entouré de vibrations qui vont favoriser notre vitalité, qui vont nous dynamiser, comme des livres en lien avec le supramental ou par exemple ceux de Bernard de Montréal qui sont très vibrants, peuvent participer à ça dans un certain sens. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc tout ça pour dire donc le jardin, l'eau, la cuisine, etc. Ce que j'aimerais moi amener au supramental et que je vis actuellement et que je vais vivre de plus en plus parce que je vais vers ça, c'est comment vit l'esprit à travers nous et pas comment pense ou comment parle l'esprit, mais aussi comment est-ce que donc il jardine, comment est-ce qu'il caresse, comment est-ce qu'il s'adresse à sa compagne. Comment est-ce qu'il se promène? Et donc, d'observer, soyons attentifs à les évolutions de comment on interprète les événements autour de nous, comment on caresse, est-ce que la caresse qu'on a sur notre chat ou sur quelqu'un a évolué, tu vois? Et c'est là qu'on voit l'esprit qui s'incarne petit à petit. Exactement. Tantôt, tu faisais référence à comment l'esprit fait l'amour. Et Oui. c'est sûr que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui ont maintenant la curiosité qu'on aborde ce sujet, dont moi-même. Ah bah oui. Puis ça pourrait être intéressant de voir justement comment, à travers l'acte sexuel, amoureux, l'esprit va se manifester. D'accord, avec plaisir. Alors, je tiens à dire que d'abord, il faut pas me croire parce que ce que je dis est vrai pour moi, mais pas forcément pour les autres. Après, si ça inspire du monde, tant mieux. Ben oui. Donc d'abord, alors qu'est-ce qu'il me raconte? D'abord, il aime. Alors, d'abord, j'aimerais parler je dis il ou je, parce que enfin, pour moi c'est un peu pareil, tu vois, il y en a qui disent le contact, l'esprit, ou il dit que, mais moi je dis je ou il, je m'en fiche en fait. Je préfère dire je, parce que c'est aussi moi, là où j'en suis. Donc voilà, bon. Ce qui me vient, c'est qu'on parle beaucoup de couple cosmique sous forme vibratoire, mais est-ce qu'on en parle sous forme incarnée, c'est-à-dire sous forme de vivre un quotidien équilibré à l'image de l'esprit. Par exemple, ce qui me vient, c'est il y a trois principes, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc on pourrait dire il y a trois tiers. Est-ce qu'on peut vivre notre couple en trois tiers, c'est-à-dire consacrer notre temps et notre énergie à un tiers avec soi-même? Parce que le couple, on fait partie du couple, donc soi-même fait partie du couple. Est-ce qu'on peut aussi, à un tiers, consacrer un tiers du temps aux deux personnes, donc à soi avec l'autre? Et au troisième tiers, je dirais, est-ce qu'on peut passer aussi un tiers de temps avec l'extérieur, c'est-à-dire les amis, la famille, voilà, les autres personnes? Donc avant tout, j'ai envie de dire, faire l'amour, faire le supra-amour ou l'amour de l'esprit, c'est trouver un équilibre dans la matière dans lequel on se sente totalement libre et totalement en accord avec nos valeurs profondes et avec nous-mêmes, là où on en est. Mais attends une minute, C'est-à-dire. les valeurs, c'est des formes. Alors, quand je dis valeur, c'est un mot qui est mal choisi. Je dirais plus notre vibration. OK. C'est-à-dire que si j'ai la vibration d'aller me promener tout seul pendant 2 jours, je peux le faire. Mais j'ai pas l'autre qui va dire, ah, t'es en train de m'abandonner, ou ah, bah non, moi je veux venir, tu vois. Si tu sens que tu veux te promener tout seul, tu peux, sans problème. Après, si ça prend plus d'un tiers du temps de te promener seul, là, il faut s'interroger sur l'équilibre de couple. Tu vois? Parce Mais qu'il y en a attends une qui. minute, c'est parce que toi, tu répartis ça par rapport à un tiers pour différents aspects. Oui. C'est correct, mais la façon que je le vibre personnellement, c'est plus dans la vibration du moment, dans le sens qu'à un moment donné, ta vibration d'être avec quelqu'un d'autre. À un C'est moment ça. donné, tu peux passer 3 jours tout seul, mais il n'y a pas nécessairement d'équilibre à atteindre en répartissant ça en un tiers, un tiers. Exactement, David. Merci de le dire parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Quand on est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on ne fait plus appel à de mémoire de ce qu'il faut faire ou aux peurs du futur de ce qu'on devra faire, on est dans un instant présent. Et un moment, les deux ressentent qu'il faut être ensemble, les deux ressentent qu'il faut être seul, les deux ressentent qu'il faut être avec du monde, par exemple. Et quand je parlais du un tiers, un tiers, un tiers, c'est mes observations personnelles que cet instant présent me fait faire. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait cet équilibre-là. Qui n'est pas du tout alors cet équilibre sur un an par exemple, mais ça peut être 2 mois plus sur moi, 1 mois plus sur le couple, tu vois, ou 3 jours plus avec d'autres, soit c'est en effet. Mais si je fais la moyenne de tout ça, j'ai pour l'instant identifié ces 3 tiers-là dans mon équilibre. OK, mais c'est sûr que la façon que je. C'est correct si tu vis ça comme ça, puis ta vibration comme ça, c'est parfait. Par contre, en ce qui me concerne, de m'astreindre à vivre un tiers comme ça m'amènerait plus dans un état d'esprit de calcul, d'analyse, Ah, mais il plutôt. faut pas calculer. Moi, Non, c'est mais là, c'est c'est de la ça, théorie mais. dont je parle. Restons dans la vie, dans la spontanéité, dans notre instant présent, ne calculons pas. Mais une fois qu'on vit ça, après, on peut remarquer que. Je préfère cette démarche-là qui part du bas pour aller vers le haut. Et donc là, tu es en train de décrire une démarche inverse de celle du supramental, où on va partir du haut pour aller chercher le bas. Tu vois? Ou même parfois, on va chercher le haut, mais on reste dans le haut. Exactement, mais moi, la façon, c'est correct aussi si tu vis ça comme ça. Moi, la façon la plus simple que je le vis, mais peut-être qu'en réalité, ça revient au même. Moi, je parle un peu pour rien dire. C'est qu'à un moment donné, ça va me dire là, tu as besoin d'être tout seul, ou là, tu as besoin de voir du monde, ou mais il n'y a pas de calcul. Ça me parle intérieurement, puis j'ai juste à suivre le mouvement. Puis si je le suis pas, je sais très bien que je vais m'alourdir ou. Il y a un déséquilibre qui s'installe en moi qui va m'emmener dans un état peut-être un peu plus down ou dépressif. Oui, j'entends bien. Et en effet, ces indicateurs de la dépression ou de la souffrance ou de plein de choses comme ça nous montrent qu'on a un déséquilibre quelque part à rééquilibrer. Voilà. Exactement, mais à travers l'autorégulation vibratoire qui s'opère à mesure que l'individu vit le contact avec l'esprit en son sein. Bien, il n'y a Oui. pas besoin de calculer un tiers sur une Non. année ou sur 10 ans. Ah Ça se non, fait non, non. automatiquement. Non, non, au contraire, il ne faut pas calculer. Et comme il faut écouter aucune théorie ni rien du tout, mais il faut faire ses expériences et laisser faire et puis après observer pour soi temporairement une forme qui peut changer. Là, je parle d'un tiers, un tiers, un tiers. Si ça se trouve, ça changera. Pour moi, il se trouve que c'est ça maintenant, puisqu'on me pose la question, mais ça peut changer. Moi, je ne suis pas attaché à cette forme. Oui, ben c'est ça, c'est intéressant. En fait, tu verras comment ça va se placer dans ta vie, Mais moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à mesure que je m'individualise avec le temps, moi, j'ai besoin du contact avec le collectif pour me sentir vivant ou dynamisé. Puis moi, Oui. je vibre aussi à des activités de groupe, de masse, dans le sens, par exemple, aujourd'hui, on m'offrirait d'aller voir un spectacle de musique heavy metal dans une foule qui peut être quand même assez agressive, qui peut se mettre à crier, fumer de la barigeoada. D'ailleurs, ben, c'est arrivé récemment, en fait. J'ai mon frère qui m'avait offert même de me payer le billet et de Ah ouais. m'accompagner là, pour aller voir un groupe de musique heavy metal. Puis même si on m'offrait ça, j'avais rien à payer. Ça vaut quand même assez cher. J'ai refusé parce que je n'avais pas la vibration. Puis pour moi, c'est une plus grande dépense d'énergie Bah oui. d'y aller, même si c'était gratuit, ça ne me coûtait rien financièrement que de ne pas y aller. Oui, mais t'as des... ça c'est parce que c'est pas ta vibration, mais tu as des trucs collectifs qui sont pleinement dans ta vibration. Si on te propose par exemple une promenade en forêt avec collective, avec discussion supramentale et tu vois, des choses comme ça, ou massage, tout le monde aime les massages, ou chant dans la forêt, tu vois, des choses comme ça. Il y a des trucs qui correspondent de collectif beaucoup plus à ta vibration que le métal, en effet, oui. Mais en général, en tout cas, ce qui me concerne, c'est plus au niveau collectif, plus peut-être avec des petits groupes, là, tu sais, Oui? rencontrer deux, trois personnes, pas 200 000, là, qui vont Bah non. assister à un spectacle rock, là, tu comprends, il y a une quantité aussi. Mais c'est ça, il y a une quantité à la hauteur de ce qu'on peut contenir. Et c'est ça que je voudrais dire pour le couple. Déjà, on pourrait être en couple équilibré ou en couple cosmique, et on va dire ça pour reprendre le vocabulaire, mais en fait, c'est couple pour moi plutôt équilibré dans ses polarités féminines, masculines. Et masculine, féminine, on est dans un couple équilibré quelque part quand... mince, je disais quoi? J'ai perdu le fil. Oh, il n'y a pas de problème. En fait, tu parlais de c'est quoi un couple équilibré. Ouais, mais Tu es en je train de voulais le dire... définir. Ouais, bah alors c'est pas grave, je vais repartir là-dessus. Pour moi, un couple équilibré, voilà, c'est un... Ah oui, c'est ça. C'est un groupe, enfin c'est un couple, donc c'est une personne qui est déjà équilibrée dans ses polarités masculines et féminines. C'est-à-dire son intérieur et son extérieur sont à l'équilibre. Si elles sont à l'équilibre, alors il va rencontrer une autre personne qui est à l'équilibre. Mais si elles ne sont pas à l'équilibre, alors il va quand même rencontrer une autre personne, mais qui est aussi en déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui va compenser pour que les deux puissent se rééquilibrer chacun intérieurement. C'est pas dire qu'ils vont, ça veut pas dire qu'il va rééquilibrer l'autre, mais qu'au contact de l'autre, il va se rééquilibrer sa polarité féminine et masculine. Et c'est pour ça que dans des couples, on va dire non cosmiques ou non équilibrés, ou donc des couples compensatoires, on va être dans des problèmes récurrents si on ne travaille pas dessus. Quelqu'un qui a un problème d'abandon va toujours tomber sur quelqu'un qui va l'abandonner. Et l'autre personne n'aura pas le choix de l'abandonner parce que l'autre devra vivre ça, et c'est un service qu'il lui rend de l'abandonner, pour qu'il finisse par le dépasser cet abandon et équilibrer sa polarité, et finir par, donc, après rencontrer quelqu'un. Donc, imaginons que je sois un homme, donc un homme équilibré, il est dans une polarité masculine-féminine. Si je suis équilibré, je rencontre une polarité féminine-masculine, donc une femme, et à partir de là, il y a un nouvel équilibre qui se crée dans une double polarité. Je sais pas si tu touches ce que je dis. Oui, certainement, dans le sens que si deux individus qui sont équilibrés dans leur polarité yin-yang, pour employer des concepts associés à la médecine chinoise ou au taoïsme, là. C'est ça. Donc à ce moment-là, le couple, naturellement, va bénéficier du fait que ces deux individus complets qui vont pouvoir vivre une relation où ce qu'un est un supplément de l'autre et non pas un complément. Dans le sens que ça n'induira pas un état de dépendance au niveau de la polarité énergétique pour qu'une personne ait besoin de l'autre systématiquement pour s'équilibrer, tu sais. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est un très bon exemple, le yin-yang, parce que le blanc et le noir prennent la même place. Et donc, c'est aussi cet équilibre qui est très intéressant. D'ailleurs, là, j'entends un truc, que quelqu'un qui a sa polarité masculine et féminine individuellement équilibrée a atteint une sorte de grade de maître ascensionné. Et celui qui a travaillé à deux et qui a atteint une double polarité yin-yang, yang-yin équilibrée a atteint un grade de Christ. Ben moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est que les catégories que tu dis, bien que ça soit raffiné et subtil, c'est en lien avec la spiritualité. Oui, c'est vrai. Parce qu'au niveau de l'esprit, c'est par-delà les polarités, puis c'est une unification de conscience à une énergie qui est impersonnelle. Donc, c'est très différent. Exactement. Et voilà, mais tout ce que, en fait, tout ça pour dire que je pense pas qu'on puisse évoluer. On peut évoluer seul à un certain niveau, mais à un moment il va falloir évoluer à deux dans une double polarité. Et donc le couple cosmique, c'est pas que des bêtises ou c'est pas quelque chose de que vibratoire. C'est aussi quelque chose de matériel et physique. Donc c'est aussi une vie au quotidien et une façon d'être. Et une façon de se confronter aux petits problèmes de la vie, aux petits trucs qui vont nous rééquilibrer. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'aimerais partager quelque chose de l'ordre de l'équilibre que j'ai, une fois que j'ai traversé quelque chose que je pense qu'on est beaucoup amené à traverser. C'est la colère de la femme. Et de l'homme. Parce que la femme, alors soit elle est soumise à. Bernard a écrit un livre sur la femme qui est très bien. Et c'est vraiment bien. Je vous conseille de lire ce livre. Vraiment, Ouais, il y a un livre qui est il est. disponible sur Internet. Par contre, Voilà. ce qui me contrarie un peu, c'est qu'on n'a aucun document qui permet d'officialiser que c'est bel et bien le livre auquel il faisait allusion dans ses enregistrements sur la psychologie évolutionnaire. Fait que pour moi, vu que ce n'est pas de source officielle, il y a toujours un doute qui plane. Ah ouais, non, moi, il n'y a pas de doute, hein, t'inquiète pas. Je l'ai lu et pour moi, c'est bien ça. Hein, ouais. Je OK. pense qu'il n'a pas fini son livre, mais je pense que il a déjà envoyé une vibration assez intéressante. En tout cas, le livre en tant que tel, je l'ai vu aussi, puis la vibration est intéressante. Oui. Par contre, c'est sûr que, en fait, ce que je vais dire pour être prudent, c'est que les gens qui nous écoutent présentement, faites preuve de votre discernement puis votre sensibilité par rapport à ça, puis allez voir le livre vous-même pour voir si ça vibre Voilà. avec vous ou non, tout simplement. Exactement, parce qu'en plus, ce livre a envoyé une vibration à l'instant où il l'a écrit, donc qui était très juste à cet instant. Donc c'est aussi vrai de nos jours, mais je dirais, on irait beaucoup plus loin de nos jours ou de façon beaucoup plus subtile. Donc cette vibration était juste, elle est encore juste à 80%, 70%, ça dépend des individus là où ils en sont. Mais voilà, chacun le traite et le lit à sa façon. Ça, c'est ça qui est primordial. Donc tout ça pour dire que dans ce livre, on y parle des blessures de l'homme et des blessures, enfin, surtout des blessures de la femme. C'est un livre sur la femme. Pourquoi sur la femme? Parce que notre évolution globale de l'humanité, à mon analyse, passe par la femme. Dans le sens qu'elle a encore une vibration primordiale en elle, non dénaturée, incarnée dans la matière de l'esprit. Sauf que cette femme s'est fait soumettre pendant des millénaires par une sorte de patriarcat phallocratique qui fait qu'elle s'est soumise au pouvoir, pas de l'homme, mais du masculin. Le masculin dénaturé de son féminin, donc pas équilibré. Donc elle s'est fait soumettre, on va dire que le féminin s'est fait soumettre par un masculin masculin. Et du coup, la femme est restée masculine-féminine, alors que l'homme est devenu masculin-masculin. Donc on est dans une société déséquilibrée où il n'y a plus qu'un quart de féminin bien tapis chez certaines femmes. Et pour réveiller et pour rééquilibrer tout ça, on en passe notamment en couple par une certaine colère de la femme qui, quand elle va se réveiller et s'éveiller à elle-même, va en vouloir énormément au masculin. Je dis bien au masculin, mais pas à l'homme qu'elle a en face d'elle, parce que sa colère profonde, même si elle l'exprime temporairement envers l'homme, c'est une colère envers le masculin qui l'a asservie, et cette colère est juste, et ça va lui permettre d'envoyer un différentiel dans ses corps subtils qui va rééquilibrer ses polarités. Mais d'ailleurs, en faisant ça, et finalement c'est juste qu'elle défonce un homme en face d'elle, parce que ça va lui aussi Ben, en fait. attention, attention, ici, il ne faut pas encourager la violence conjugale. Non, c'est pas pour encourager la violence conjugale, c'est la vibration qui est envoyée là. C'est juste ça. C'est en tout pacifisme et en toute intelligence que j'ose dire que c'est intelligent que la femme défonce l'homme en face d'elle, ou défonce plutôt le masculin masculin qui est asservissant et dominant, pour que l'homme se remette en cause, parce qu'il ne peut pas se remettre en cause lui-même, puisqu'il est validé par sa société masculine masculine. Donc il ne peut pas se rééquilibrer lui. Donc il est obligé de passer par une femme qui, dans un premier temps, va rétablir par des excès émotionnels envers lui, va rétablir sa polarité. Et donc, une fois ces crises passées, qui peuvent durer de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, selon les individus, la femme va se rééquilibrer, se révéler à elle-même, se dire, voilà, je suis une femme, ce que je sentais depuis longtemps est là, et l'homme est rééquilibré, voilà. Je redeviens dans un accueil de ma vibration féminine, et à deux, on va pouvoir se parler et s'équilibrer. Si Ah, l'homme c'est a la fini. maturité psychique d'intégrer l'ajustement, parce qu'il y a sans doute des couples qui vont éclater, parce que la minute que la dynamique de la relation change, Ah, c'est ça. parce que la femme monte par exemple en vibration, puis elle va contester, admettons, la domination implicite de l'autre, ben il y a des gens qui vont ils vont se séparer là, rapidement, là, tu sais, ça dépend de la maturité puis l'ouverture de l'homme à se réajuster, là. Exactement, mais c'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle va se réveiller à elle-même, elle va avoir besoin peut-être de 2 ans, et peut-être que l'homme, il va avoir besoin de 5 ans. Donc une femme qui est réveillée au bout de 2 ans devra quitter le couple pour trouver un homme qui en est là où elle en est. Et inversement, l'homme qui lui a fini d'intégrer la souffrance de la femme, donc en vivant l'émotionnel de la femme en couple par les crises émotionnelles, ou on pourrait dire, au lieu de crise émotionnelle, épuration de l'astral, ou épuration ou neutralisation des mémoires de l'humanité globale, eh ben l'homme, un jour, il va avoir tellement vécu ça dans sa matière, donc dans son émotionnel, la matière, le corps matériel qui est collé au corps émotionnel, il va l'avoir intégré, il va plus avoir besoin du coup de se prendre des tempêtes émotionnelles. Et si la femme en est encore à blâmer l'homme et non le masculin, ou n'a pas encore rééquilibré ça en elle, et que l'homme en a fini, il va falloir que ce soit l'homme qui quitte son couple pour après être vibratoirement et automatiquement et mécaniquement orienté vers une femme qui, elle, aura terminé aussi son, j'ai envie de dire, sa crise de sa crise d'équilibrage de masculin-féminin, pour après, voilà, aller plus loin, en Oui, fait. ben, Mais c'est se sûr qu'il y a polir son. une crise d'émancipation du féminin qui s'est faite en société. On n'a qu'à penser à l'émergence du mouvement féminisme dans Voilà. les sociétés occidentales, que ce soit en France, en Europe, au Québec. Donc ça a eu cours dans les décennies précédentes. Et c'est sûr que les rapports hommes-femmes, aujourd'hui, au moment où on se parle, sont beaucoup plus ajustés, égalitaires qu'il y a à peine 30 ans ou 60 ans ou 100 ans. Voilà. Il y a des bonds de géant pour l'équilibre homme-femme qui ont été faits, notamment on a des lois contre la violence conjugale, c'est de plus en plus pris au sérieux, donc les femmes qui autrefois étaient soumises à l'homme puis étaient forcées d'avoir des enfants, qui se faisaient battre ou forcées à avoir des relations sexuelles, donc des lois contre, c'est ça, des abus de pouvoir qui ont eu cours, donc il y a tout un système législatif qui s'est construit, qui s'est bâti, Oui. avec une rigueur en Occident pour empêcher les débordements astrales et de domination en relation avec l'énergie masculine. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'au niveau social, cette intégration de la conscience pour équilibrer l'état des polarités hommes-femmes est en train là, de se concrétiser. Oui, j'entends David. Je trouve ça lent parce que, encore une fois, on ne tient compte que de l'aspect physique, c'est-à-dire que est légiféré que les violences, les viols, les abus sur le corps, et quand même un petit peu, ça commence, les abus psychiques, les dominations, mais que quand elles sont graves. Mais il n'y a pas encore de tribunaux assez intelligents pour juger d'une domination subtile, tu vois. Il peut y avoir une domination spirituelle de quelqu'un qui se dit dans le supramental et de l'autre qui est moins sur le contact. il peut y avoir aussi des dominations, tu vois, des équilibres précaires dans les couples avec il y en a un qui a plus de finances que l'autre ou il y en a un qui a Oui, plus d'accueil que l'autre, tu vois, c'est tout peut tu lèves être. un point très intéressant, en effet, parce que c'est sûr que la société est tournée vers le concret. Donc, c'est sûr que, par exemple, une femme qui a été victime de violence, puis on voit des marques concrètes sur le corps qui ont pu être photographiées, puis amenées Voilà. à un tribunal comme preuve, c'est sûr que c'est plus direct que quelqu'un qui vit une forme d'harcèlement psychologique ou même psychique. D'ailleurs, au niveau de la société, il n'y a même pas encore la reconnaissance de l'existence du plan astral et du plan Ben supramental. oui. Et un jour, il y aura le concept de notion de viol psychique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en lien avec ça, j'avais même fait, il y a plusieurs mois, un enregistrement. Parce qu'en réalité, à la base, avant qu'il y ait un viol physique incarné dans la matière, c'est parce que l'individu s'est fait violer sa psyché. Puis inconsciemment, il est chevauché par des entités qui la possèdent, qui vont l'amener à avoir des comportements anti-hommes dans la matière, comme par exemple de réaliser un viol qui est physique. C'est ça. Après, là, tu parles d'entité. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite là. Ça me corrige en disant il n'y a pas d'entité. Les entités, c'est juste une forme dualitaire qu'on se donne pour parce que ça nous amuse de nous mettre en concurrence contre nous-mêmes. Mais le plan astral, c'est qu'un ordinateur géant qui permet de nous renvoyer la vibration matérielle, matérialisée, sous forme de pensée, d'émotion ou d'événement, qui va rééquilibrer nos, on va dire, les choses qui ne sont pas encore comblées ou équilibrées en nous, les choses qui ne sont pas unifiées. Donc, il n'y a pas d'entité, il y a Ben, juste. en fait, c'est sujet à Voilà. discussion. C'est sûr que je t'imposerai pas mes perceptions, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà perçu des entités. Puis à un moment donné, en fait, mon ancienne conjointe, j'avais été avec elle voir un médium, et puis on était trois personnes parce que sa mère, dans le fond, elle avait fait une fausse couche, puis on avait perçu l'entité qui se rapportait, puis tous les trois, on avait été émus, puis on avait perçu une présence. Donc, j'étais pas tout seul, puis elle non plus. On était quand même trois, c'était plus objectif que comme constat que juste par rapport à moi-même. Mais il y a eu des expériences comme ça que j'ai vécues qui me laissent entrevoir qu'il existe des entités. Mais en même temps, je suis d'accord pour dire qu'il y a un danger là, d'utiliser le Des concept vibrations. de moins, c'est ça, d'utiliser ça à toutes les sauces, puis Non, non, des entités sous des formes n'existent pas, mais des vibrations, je suis d'accord, vous avez tous perçu une vibration, mais après, si vous dessinez chacun ce que vous avez perçu, vous allez dessiner une forme différente. Donc, on voit bien que c'est qu'une vibration, donc une fréquence qui est envoyée, comme si tu envoies, imaginons qu'on doive arriver à une neutralité à zéro, si tu envoies moins 2, la fréquence 2 va être envoyée pour que ça fasse 0. Si tu envoies 10, ça va te renvoyer moins 10. Bah là, c'est pareil. Vous avez collectivement envoyé 12, ça vous a renvoyé moins 12. Voilà. Il peut y avoir de ça aussi. Par contre, il peut y avoir une réalité quand même objective en lien avec, par exemple, le fait que l'âme, une fois décédée, se retrouve sur le plan astral, puis elle va y résider sous forme d'entité. Oui, alors, mais ça, c'est aussi, bah, pour moi, c'est. Alors, oui, ça existe à un certain niveau, mais c'est au niveau de l'esprit, c'est une histoire qu'on se raconte, et en fait, c'est une fréquence mémorielle. Ça, c'est pas une entité, c'est une fréquence mémorielle qui permet à l'esprit de jouer avec, d'utiliser pour qu'on se rappelle de telle personne ou tel truc, que ça crée en nous telle vibration pour que ça compense autre chose. Mais il s'agit encore de jouer. C'est qu'au lieu que ce soit des chiffres moins 2 et 2, bah cette fois-ci, c'est des couleurs. Là, tu as un jaune, là, tu as un rouge. Tu vois? C'est encore des formes différentes pour nous abuser, etc. Mais ça reste des vibrations envoyées. Ben, c'est sûr que dans le sens que c'est une vibration qui n'a pas de conscience en termes esprit, il n'y a pas de capacité de créativité, c'est comme une coque qui est porteuse d'une Exactement, mémoire. c'est mort. C'est une vibration C'est ça. qui n'est pas autonome. Exactement, mais c'est parce que pour moi, l'âme qui se retrouve sur le plan astral, c'est comme une coque énergétique qui est en stand-by, qui est en attente pour éventuellement se réincarner sur Terre, puis intégrer l'esprit dans le cadre du processus de la fusion, puis devenir réel à ce moment-là. puis être une Oui, ça entité c'est une complète. très bonne analogie. OK. C'est comme si on allait dans le cosmos avec un scaphandre et un vaisseau, et on laisse notre vaisseau spatial sur la Lune, et en arrivant dans l'atmosphère, on laisse notre scaphandre, et après on revient sur Terre et on respire et tout. Bah, je suis d'accord. Il y a toujours notre vaisseau qui est en attente et notre scaphandre si on en a besoin pour aller dans des plans plus denses. Exactement. Donc, dans ce sens-là, on peut se rejoindre par rapport à la notion d'entité. Voilà. OK. Oui, je comprends ce que tu voulais dire par entité, du coup. Mais là, je comprends mieux qu'est-ce que tu voulais dire dans le sens que c'est sûr que tu sais, tout ce qui est mémoriel, c'est une vibration, puis ça n'a pas d'existence propre dans le sens individualisé et créatif. Bah c'est ça, mon Oui, scaphandre, il n'a oui. pas d'existence propre, c'est moi qui l'ai Exact. fabriqué, et mon vaisseau aussi, hein. Et ok, il est sophistiqué, mon vaisseau, parce que je lui ai mis beaucoup de mémoire dedans, je lui ai mis le programme d'atterrissage automatique, le programme de ramasser les cailloux sur la Lune, le programme de faire des vidéos, etc. Mais en dehors de ça, il va pas me pondre un œuf, par exemple, tu vois. Non, exactement, parce qu'il n'y a pas une autonomie puis une capacité de s'auto-générer créativement. Il n'est pas capable de manifester le principe de la créativité qui est inhérent à la nature énergétique de l'esprit. Voilà, exactement. Donc, ben c'est bien, on se rejoint, c'est juste des fois une question de mots ou de concept. Oui, c'est ça, mais exactement, et c'est cool qu'on n'ait pas les mêmes mots et concepts parce que ça nous permet d'élaborer autour et que ce soit beaucoup plus clair et du coup de nous rejoindre. Oui, exactement. Puis c'est les gens, les auditeurs et auditrices qui écoutent ça qui vont par la suite pouvoir en bénéficier, là. C'est ça. Tiens, là, pour en revenir à l'homme et la femme, Oui. pour ceux qui veulent... Qui se sentent de vouloir avancer là-dedans, par rapport à ses colères, etc. Ou ceux qui sentent qu'il n'y a pas assez de vibrations dans leur couple, je pourrais conseiller de communiquer, c'est-à-dire de tout dire à l'autre. Tout dire, même les trucs terribles qui fâchent. Ben là, Et là, c'est tu vas magique. créer des chocs. C'est pas tous les gens qui ont le système nerveux pour contenir tout le réel. Ouais, mais de toute façon, ils devront le faire un jour ou l'autre. Par exemple, si une femme a peur de l'abandon, eh ben, elle va être confrontée à des hommes qui vont aller voir d'autres femmes. Et elles vont le savoir peut-être sur 2 ans, 3 ans. Mais si on veut accélérer le processus, elles peuvent dire, ben, moi j'ai peur de l'abandon, dis-moi ce que tu fais honnêtement, et voilà. Oui, Et, ben c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il me vient en tête ma propre expérience. C'est-à-dire ouais. que j'ai été en couple pendant 12 ans avec une femme et puis je me gardais. Ouais, j'étais plutôt discret. Tu sais, à un moment donné, j'étais tombé amoureux d'une autre femme. Elle, elle Oui. l'avait capté, mais je n'étais pas capable d'y admettre parce que j'étais orgueilleux. Puis je voulais pas me dévoiler là-dedans, puis je voulais pas créer de conflit, etc. Et puis Oui. finalement, on s'est séparés. Et par la suite, j'ai eu un échange plusieurs mois après, téléphonique, puis je me suis excusé. J'ai dit oui, tu avais raison, j'étais amoureux de telle personne. Et puis, à quelque part, oui, j'ai manqué de transparence à ce niveau-là. Ça a C'est ça. libéré une énergie par la suite. Bah c'est ça, et bah pour moi le couple cosmique, c'est ceux qui se disent tout. C'est-à-dire que on peut dire, bah voilà, moi bah tiens, j'ai envie de telle femme m'excite énormément, ou là j'ai très envie de. Ou j'ai envie de partir en voyage 2 mois, ou là je suis frustré qu'il se passe ça. Ou tu vois, tu dis tout les trucs qui peuvent fâcher. Mais à un moment, il n'y a plus rien qui fâche, parce que tu as tellement travaillé, ça a tellement rééquilibré ce qui s'est passé. Ce qui a été généré par le fait que tu étais honnête et tu aies tout dit et que tu aies fait confiance à l'autre en lui disant ça, donc confiance en sa capacité de se remettre en question et de ne pas s'attaquer à toi, mais s'attaquer à ce qui va résonner, lui faire peur et le faire perdre contrôle d'elle-même. Si tu fais confiance à l'autre, enfin ouais, encore faut-il qu'elle ait la capacité qu'il ait la capacité de le faire. Et bien là, ce qui va te générer va être souvent une vibration qui va toi t'ajuster et ajuster l'autre. Donc on a tout intérêt à faire ça. Et d'ailleurs, ça améliore, c'est un secret ça, mais ça améliore les relations. Ceux qui traversent ça, et bien ils ont une relation beaucoup plus proche. Oui, ben j'en doute pas. C'est comme une forme d'initiation. Puis lorsque la personne dépasse ce cap-là, elle est capable d'être transparente au niveau de son ego, plutôt que d'être dans un orgueil puis de pas vouloir perdre la face puis de montrer Ouais. qu'il est parfait puis en puissance là. Quelle face y a à perdre après tout, à part une face de l'ego, Oui. une croyance envers nous-mêmes qu'il fallait être fidèle, par exemple. En fait, non, c'est une croyance. Pourquoi il faut être fidèle? Bah non. Ah, ben Et il y là, a tu t'ouvres une porte. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec la notion de couple ouvert? Alors, bah justement, je suis ni dans une optique de couple ouvert, ni de couple fermé, parce que c'est une dualité. Je suis dans une optique de couple libre, c'est-à-dire libre de ah, on est exclusif ou ah, on est inclusif, tu vois. Mais je suis dans une optique de couple instantané, spontané, c'est-à-dire on vit et on voit ce qui se présente. S'il se présente une autre femme ou un autre homme, bah c'est qu'on a un truc à travailler avec ça et on traverse ça. Et c'est pas du couple libre, c'est de l'intégration de quelque chose. Mais moi, je suis fondamentalement persuadé que si on n'a rien qui traîne chacun là-dedans, eh ben, si on est libre, si, c'est-à-dire que j'aime l'autre et que je le veux libre, ben, si elle rencontre quelqu'un d'autre pour s'équilibrer ou que ça m'équilibre, que ça me fasse travailler la jalousie si j'en ai, eh ben, ça va être bénéfique et l'autre va pouvoir le faire. Si je l'interdis ou que moi c'est interdit pour moi, déjà je vais pas être libre, donc je vais pas me sentir bien dans mon couple et dans ce que l'esprit m'envoie de vivre. Donc ça va pas être intéressant. Donc je suis pour une liberté dans le couple et une communication. Et en général, c'est mon expérience, quand l'autre me laisse libre à 100% de faire ce qui passe pour moi, ce qui est juste pour moi, alors je n'ai aucune vibration pour aller ailleurs. Et l'autre, c'est pareil. Ben, ça Si je le laisse. dépend. Si tu vibres au niveau animal, dans le désir sexuel, parce que la biologie des êtres humains est très similaire à celle des singes, et les Ouais. singes sont rarement monogames. Beaucoup de singes sont polygames. Ouais, Donc. alors bah, pour mon expérience personnelle, encore une fois, ne me croyez pas. C'est plus ça. C'est-à-dire que ce n'est plus l'animal qui contrôle, c'est-à-dire que je n'arrive plus à être dans l'animal-animal. Je n'y arrive plus. C'est-à-dire que je suis d'abord dans la vibration du haut qui descend dans l'animalité. C'est-à-dire qu'il me faut d'abord une affinité vibratoire et une affinité vibratoire, puis donc de l'esprit, puis une affinité animique, donc de l'âme, voire une neutralité de l'âme s'il n'y a plus de mémoire. Et après, avec tout ça, on va contacter l'animalité, et ce sera une animalité pure. Et ce sera, par exemple, ça peut être faire l'amour de façon sauvage, mais il n'y aura aucune violence. Ce sera de magnifique, tu vois. Ce sera faire l'amour de l'esprit, et ce sera plus faire l'amour de l'animal, ou de l'ego, ou du chakra 1 et 2. Ce sera faire l'amour de façon plus unifiée. Je sais pas si, est-ce que tu touches? Oui, dans le sens que ça va être un acte intégral et puis ça va être vécu différemment de l'individu, par exemple, qui est inconscient, puis là, il vit une pulsion au niveau justement du chakra de base, il y a un désir sexuel, mais il n'y a pas d'harmonisation entre son C'est ça. désir sexuel puis l'esprit, ce qui va faire en sorte qu'il va accepter, par exemple, d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne, même si l'esprit lui dit, ben, en fait, il ne pourrait même pas capter l'esprit qui va lui dire que cette personne-là, sa vibration est déséquilibrée, parce qu'il va être aveuglé par la forme, c'est-à-dire la beauté du corps physique strictement, plutôt que de la vibration de l'autre, puis il va faire juste l'amour à un Exactement. corps, ouais. Mais c'est ça la vie. Et mais d'ailleurs, toi, David, tu fais la même chose. Par exemple, quand tu contactes quelqu'un pour qu'il devienne ton ami ou que vous fassiez des choses ensemble, c'est pas parce qu'il est riche ou parce qu'il est beau et que tu as un intérêt sexuel ou financier, mais c'est parce que tu sens la vibration du haut qui est une affinité avec ton esprit que après tu vas pouvoir le contacter, entrer en résonance vibratoire et que vous allez pouvoir jouer au niveau des mémoires de l'âme et que vous allez pouvoir jouer au niveau du physique et après gagner de l'argent ensemble, tu vois, des choses comme ça. Ultimement, c'est ça, mais sur le plan humain, je vais être très transparent avec toi, je ne l'ai pas encore intégré à 100%, là. Ah mais c'est normal, c'est graduel et c'est pas l'idée c'est pas de rentrer non plus que dans l'esprit parce que si tu vis un couple que dans l'esprit, Bah, il se passe rien dans la matière, tu fais pas l'amour et t'as pas d'émotion, tu ne déconstruis pas de mémoire d'âme, donc c'est pas intéressant. L'idée, c'est de s'équilibrer et d'être dans les trois principes. Et c'est pas grave si à un moment il y a trop d'animal, ou il y a trop d'esprit, ou il y a trop d'émotion, trop d'âme. Bah, peu importe, ce qui compte, c'est l'équilibrage graduel des trois principes. Et c'est pas parce qu'il y en a qui sont trop dans l'émotion, l'amour romantique, l'amour passionnel, tomber amoureux, que c'est de l'amour. Non, l'amour, c'est l'équilibre des trois. C'est aussi bien un tiers d'esprit, un tiers d'âme et un tiers de corps, donc d'animalité aussi. Oui, c'est sûr que c'est intéressant la façon que tu le définis, parce que beaucoup de gens, par exemple, qui vont vivre une forte attraction, attirance au niveau physique, un désir sexuel, mais c'est vécu au niveau strictement des hormones. Donc, c'est Ah ouais. pas dans l'intégralité de la conscience là, de la Ah ben, un personne. jour, il va falloir faire descendre tout ça, hein, parce Oui. que l'esprit, c'est pas qu'un concept, hein, c'est aussi une matière. Notre corps est vraiment à l'image de l'esprit, si on regarde bien. Hein. Et même, et l'esprit. Notre corps, c'est l'esprit. C'est pas qu'une image. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est moi, la façon que je le conçois, le corps biologique, c'est quelque chose qui est composé d'énergie, d'esprit ralenti, densifié, coagulé, alors que l'énergie éthérique est beaucoup plus froide, puis elle vibre à un taux différent là, du corps biologique. Exactement. Et ouais, et c'est pour ça que je reviens avec l'eau, que l'eau, c'est pareil, elle change de taux vibratoire, c'est-à-dire qu'elle vibre de plus en plus rapidement et elle permet à nos cellules, donc chaque cellule contient un microgramme de silice, donc de minéral, de se mettre à jour et de vibrer de plus en plus vite. Et c'est pour ça que je pense que là, on est dans un corps plutôt carboné, donc à base de molécules physiques, de carbone terrestre, mais que de plus en plus, on va vers un corps silicé, donc qui va être plutôt vibratoire et composé de plus d'eau, on va dire, qui tourne et qui vibre de plus en plus rapidement. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser à un moment donné dans l'un de ses livres, Bernard de Montréal, il parlait de corps chimique et non pas biologique comme on Mais c'est connaît ça. sur Terre. Mais c'est ça, on passe d'un corps chimique à un corps lumineux, d'après moi. Pas d'après ce que je capte là. Oui, ben, c'est sûr que la constitution éventuelle du corps morentiel, qui se fait avec Ouais. l'intégration de l'énergie de l'esprit qui va amener justement une mutation de l'être pour son éthérisation. Exact. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient là, sur les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Oui. Sur l'eau, elle peut être sous trois formes, solide, liquide ou gazeux. Donc on pourrait dire que le solide, c'est la terre, le liquide, c'est l'eau, et le gazeux, c'est l'air. Oui. Mais il manque un élément, il manque le feu. Et le feu, c'est ce qui va faire que le glaçon va fondre et c'est ce qui va faire que l'eau va devenir de l'air, va devenir un gaz. Donc le feu, quelque part, c'est le thermostat des trois autres éléments. Ah, c'est intéressant, ça me parle beaucoup ce que je vais te laisser Et continuer. même, attention, le feu est un élément, même s'il est le médium des trois autres éléments. Je vois donc un quatrième état de la matière, il y a solide, liquide, gaz, mais il y a l'état plasmatique, qui est l'état antimatière. Donc le feu serait l'antimatière. D'ailleurs, on ne peut pas toucher du feu. On peut toucher un liquide, un solide ou un gaz, mais on ne peut pas toucher du feu. Le feu est un concept antimatériel qui permet de faire varier les éléments matériels. Donc, Ah, ben, c'est intéressant parce que justement, et ce que ça me dit intérieurement avant que tu complètes ta phrase, c'est que le feu représente le feu de l'esprit, qui est le principe de dynamisation de la matière et de l'activation. ah, c'est ça. C'est un principe de Exactement. mutation de la forme. Mais oui. Donc, autrement dit, lorsque par exemple l'esprit descend au sein de l'individu, il va muter sa forme biologique. Exactement. Mais c'est ça. Mais c'est ce qui se passe en fait. Nous sommes les trois états solides, donc le corps physique, liquide les émotions de l'âme, et gazeux, on va dire que c'est un niveau d'esprit. Mais après, il y a d'autres niveaux d'esprit. Ça va loin. Il y a des niveaux d'esprit. Bon, ok. Bon. Et il y a donc un grand niveau d'esprit qui fait varier ces trois composantes. Oui, On ben, pourrait dire. ce qui vient en tête, c'est que le gazeux, c'est comme la spiritualisation, où ce que l'âme Oui, c'est s'élève. ça. C'est le mental. C'est ça, mais la personne peut devenir très gazeuse dans la haute spiritualité, dans le sens qu'elle peut être devenue une péteuse de boue. Elle peut avoir des gaz spirituels, puis être aveuglée d'un certain voile. Puis quand le feu de l'esprit arrive, ben lui, c'est un brasé qui consomme tout. Comme par exemple mettre le feu à la baraque du mois pour employer moi pardon pour employer une belle expression, c'est amener la destruction des formes anciennes pour qu'une épuration des mémoires pour que l'individu soit libéré de ça pour devenir totalement transparent dans l'ego Eh ouais. par l'allumage intérieur. Donc au lieu que l'individu soit un vase qu'il faut remplir de connaissances puis d'intellectuel, si l'individu s'allume intérieurement parce qu'il vit l'intégration d'énergie de l'esprit. Ben à ce moment-là, il entre dans un cycle de mutation psychique en relation avec ça. Exactement, ouais. Puis devient un élément mutable par rapport à la société. Parce que Ben oui. son feu va se propager à son environnement, un peu comme la flamme. Quelqu'un qui partage de sa flamme à quelqu'un, ça enlève rien au fait qu'il continue à en bénéficier. Puis là, ça se Ouais. multiplie, puis ça se multiplie. Puis à un moment donné, ben ça devient un virus de contagion. Au niveau de la Terre, mais créatif, dans le sens que les gens deviennent de plus en plus allumés, puis ça se diffuse, puis ça se diffuse, puis il y a une mutation sociale, puis une masse critique qui est atteinte. Exact. Ouais. Ah, Ah c'est ben, très c'est intéressant. intéressant, ça m'enflamme, ça m'allume, cette conversation-là, tu me stimules, c'est incroyable. Puis je capte plein de choses, puis toi aussi, fait que c'est bien, on est bien branchés psychiquement pendant qu'on C'est parle. ça. Bah oui. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plutôt en feu là et qu'on n'est pas, t'es pas une poule mouillée. Parce que ça Ben, te toi fait non pas plus. peur de parler de ça et Ah non, c'est certainement. intéressant parce que c'est assez rare que des choses comme ça viennent. Et il faut une certaine ambiance vibratoire en fait. Oui, exactement. C'est sûr qu'on peut supporter mutuellement dans une capacité de respect, d'écoute mutuelle, pour être en état d'interface psychique, pour favoriser l'émergence de telles idées à travers notre parole. C'est ça. D'ailleurs, quelque chose qui me vient, c'est qu'un jour, il faut sortir du supramental. Et c'est qu'une étape, et qu'à un moment, il faut incarner et être son propre feu de vie, et utiliser quelque part l'intelligence de l'esprit pour vivre bien. Et par exemple, tu sais, Bernard, il disait, oui, il faut avoir un job et tout. Il avait raison, c'était intéressant à l'époque. Mais je pense que maintenant, si on a la vibration de vivre sans job, eh ben, on a assez d'intelligence de l'esprit qui va nous dire quoi faire. Qui aller voir comment, quel projet lancer, tu vois, quel sponsor, comment vivre gratuitement, etc. Pour vivre sans ces contraintes et pouvoir du coup évoluer vers l'esprit encore plus rapidement que si on faisait un job pendant 40 ans, tu vois. Oui, exactement, parce que c'est sûr que dans le passé, les gens avaient tendance à se scléroser dans une forme de travail pour des raisons de sécurité psychologique, entre autres. T'sais, quelqu'un qui rentre à un endroit, il a sa permanence, il a ses avantages sociaux, son fonds de pension. Ben, des fois, les gens enduraient des emplois alors qu'après un certain nombre d'années, cet emploi-là devenait totalement désajusté par rapport au niveau d'évolution qu'ils sont appelés à vivre. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, mais en fait, on peut avoir, là, on est dans une ère exceptionnelle parce que on voit bien qu'on est en pleine ascension de la planète. Parce que, par exemple, rien que le phénomène des vidéos ou des séries, ça permet de propager des vibrations de plus en plus rapidement. Et Excuse-moi, les vidéos de quoi? des vidéos ou des séries de télévisées. Ah, ok, oui, comme des téléromans, des séries de documentaires, des choses comme ça. Ouais, elle-même, j'aimerais parler de Netflix. Je sais pas Oui, si bien tu sûr. connais. Oui, C'est je un suis endroit où abonné. tu vois plein de vidéos et notamment des séries avec des épisodes de vidéos qui racontent des vies au Moyen Âge, qui racontent des vies dans tout temps. Donc c'est très intéressant parce que l'esprit peut passer. Netflix, pour moi, c'est un médium de l'esprit moderne avec lequel il déconstruit les mémoires d'âme de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire que parfois on peut voir une série, l'esprit nous indique telle série à regarder, c'est parce qu'il va y avoir des sorcières, il va y avoir du Moyen Âge, il va y avoir de la torture, qui vont faire qu'on va déconstruire certaines choses beaucoup plus rapidement que si on devait le vivre. Voilà. Et si on a la vibration, si on regarde ces séries de façon active, c'est-à-dire de façon consciente, eh ben là, on va déprogrammer notre âme. Mais attention, c'est à double tranchant. Parce que si on le regarde de façon inconsciente, c'est-à-dire de façon passive, alors on va se faire programmer par ces mémoires-là. Par exemple, oui, le cerveau, il ne fait pas la différence entre quelqu'un qui est tué devant toi avec un pistolet et quelqu'un qui est tué dans la série. Pour lui, c'est la même émotion et la même énergie qu'il va recevoir. Donc, si tu n'as pas fait la part des choses avant de te coucher, parce que quand tu te couches, en fait, tu as une mise à jour de l'inconscient qui va prendre les événements marquants de la journée et les intégrer. Donc, si tu as entretenu quelque part en regardant des séries où il y a des meurtres, le meurtre dans ton psychisme, alors tu vas être empreint de plus de meurtres. Alors que si tu t'es pacifié de façon consciente par rapport à ça, alors tu vas déconstruire ça. Et c'est pour ça que là, dans mon hygiène de vie maintenant, si jamais je regarde une série, parce que mon esprit me dit parfois de regarder certaines séries ou certains films, eh ben je vais après faire le tri, c'est-à-dire dire, tiens, tel truc, une petite discussion avec l'esprit, c'était intéressant, ça t'a fait déconstruire ça de telle vie, de telle mémoire, mais tel truc, c'était violent, c'est de la violence gratuite, ce que tu n'as pas à vivre, parce que ça ne fait que te traumatiser de façon supplémentaire. Donc, je fais une demande consciente à mon inconscient de ne pas retenir cela, et il ne le retient pas, et du coup, bah, je m'en porte beaucoup mieux en fait. Oui, ben moi, en ce qui me concerne, je fais une demande consciente et constante à ma conscience d'être libre de la forme pour pas me ramasser avec des rêves traumatiques en lien avec des films de violence. Ben, ça m'arrivait quand que j'étais jeune. Quand que j'étais adolescent, là, j'avais 12-13 ans, j'écoutais des films de guerre, puis des fois, je faisais des cauchemars en lien avec ça. Alors qu'aujourd'hui, non, je ne fais, en tout cas, à ma connaissance consciente, là, c'est sûr qu'on ne se rappelle pas de tous nos rêves, mais non, ça m'arrive plus. De toute façon, je demande à l'esprit si je suis trop imprégné, si je sens qu'il y a quelque chose, parce que le film qu'on peut voir sur Netflix ou à la télévision, il y a une dimension hypnotique, dans le sens que si on se laisse assujettir par la volonté qui est derrière le film, qui vise à nous faire vibrer à des émotions de tristesse en faisant jouer de la musique triste, entre autres, Ah, c'est ça. ben moi, je casse ça en disant, là, arrêtez là, de m'imprégner de ça, puis là, je rentre en contact avec l'esprit. Puis là, il m'en stabilise dans ma vibration. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a une façon de regarder donc qui est critique et qui n'est pas hypnotique, donc de consciente, qui est intéressante. Et d'ailleurs, matériellement, il y a une façon aussi. Est-ce que tu savais que quand tu regardes un écran d'ordinateur, ce sont des ions qui sont projetés vers tes yeux, alors que quand tu regardes au cinéma, les ions sont projetés vers l'écran et tes yeux font la démarche active de regarder l'écran. Ah, non, je n'étais pas Alors conscient que de sinon, ça. tu es passif. Devant l'écran, en gros, ton cerveau, quand on met Oui. un encéphalogramme, eh ben, tu vois que ton cerveau est passif et reçoit et se fait hypnotiser. Alors que quand tu regardes au cinéma, sur un écran projeté, où maintenant il y a des mini-écrans, enfin des mini-projecteurs de salon, eh ben, ton cerveau est dans une activité. OK, mais dans les deux cas, tu sais, en tout cas, en ce qui me concerne, lorsque j'étais jeune, j'écoutais un film de guerre, que ce soit sur la télévision chez moi ou au cinéma, puis ça me faisait vibrer émotivement. Dans les deux cas, ça me perturbait. Bah bien sûr, bah bien sûr. Et moi j'ai peur de la réalité virtuelle. Bah, quand je dis j'ai peur, je me fais un peu de soucis pour les jeunes générations qui vont mettre des casques de réalité virtuelle dans lesquels ils vont voir en direct des meurtres ou des scènes de violence qui vont les traumatiser et donc les mettre sous quelque part dans une vibration de peur, donc complètement sous domination, sous contrôle. Après, il suffira de leur dire attention, il va y avoir un terroriste et ils vont faire tout ce qu'on leur dit, tu vois. Oui, s'ils n'ont pas d'esprit critique puis de discernement, là, c'est sûr. C'est ça. Parce qu'en réalité, la réalité virtuelle, ça peut être capable du meilleur comme du pire. C'est sûr que si, par exemple, un chirurgien à distance peut Ah. opérer quelqu'un dans une région éloignée en utilisant la réalité virtuelle, ben, ça devient intéressant. Mais c'est ça, mais il devrait y avoir une loi qui dit qu'on peut l'utiliser que pour ça, mais pas pour de la violence. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de violence qui sont utilisés par rapport aux documentaires ou aux choses constructives et pédagogique. Et je trouve que la part n'est pas respectée. Oui, c'est sûr que présentement, il y a des impacts aussi négatifs là, en lien avec des jeunes qui passent leur temps à jouer à des jeux violents. Ça les garde sous influence astrale parce que derrière ça, il y a des entités astrales, entre autres, qui vont faire en sorte pour que des gens soient en boucle à jouer à des jeux qui les fait vibrer émotivement à des émotions comme de la colère, de la rancune, pour pas que Oui. la personne ait accès à une intelligence créative et qu'elle se branche à l'esprit. Parce que la minute que l'être humain se branche sur l'esprit, il est libre de ces influences-là, puis là, les entités astrales veulent garder le contrôle. Exactement. Tiens, il y a quelque chose qui me vient là sur justement cette idée de sortir du supramental. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire au lieu d'être dans le mental, de retourner dans l'humain, c'est-à-dire de parler de là où on en est. Moi, là, ce que je dis, c'est ce que je vis. Et c'est pour ça que ça ne me prend pas d'énergie, voire que ça me donne de l'énergie parce que ça me fait vibrer. Mais si je disais des choses que je ne vis pas, là, je prendrais de l'énergie, j'aurais une dette envers la vibration ou envers l'esprit, et du coup, je ressentirais le contre-coup dans la matière. Parce que je n'ai pas besoin d'informations supplémentaires ou d'informations futuristes que je ne peux pas intégrer tout de suite. Je Oui. dirais que à une époque, donc, on pouvait faire monter le taux vibratoire d'un lieu, soit en dansant, en chantant, en mettant du tambour, et on pouvait mieux canaliser. Mais il y en a qui faisaient, alors on pouvait polariser ça en bien, en chantant, en dansant et en se réjouissant, mais il y en a qui polarisaient ça en mal, c'est-à-dire que ils faisaient des sacrifices à une époque humaine, puis des sacrifices animal. Et en effet, ça faisait monter le taux vibratoire du lieu, donc il canalisait. Attends une Mais il minute, attends une canalisait. minute. Moi, ce que je capte, c'est que de sacrifier des animaux permettait pas d'augmenter en vibration un endroit. Par contre, ça pouvait permettre d'augmenter systématiquement la présence de certaines entités astrales qui vont rôder là et qui peuvent acheminer certaines informations à des individus, mais ça les rendait pas plus conscients au niveau de l'esprit, ça c'est clair. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'était donc des choses extérieures qui généraient, c'est-à-dire donc faire un sacrifice d'animal faisait venir une entité extérieure. Oui, ben Alors c'était que, du donnant-donnant. C'était un marché avec l'astral qui se nourrissait ouais. des émotions de souffrance, puis en contrepartie, il donnait des miettes de biscuits, que j'appelle, c'est-à-dire des informations résiduelles qui étaient capables de puiser dans les archives akashiques de l'humanité. Mais ces entités n'étaient pas capables de générer des informations nouvelles qui auraient favorisé une évolution de conscience réelle au sein de l'individu et l'intégration de l'énergie de l'esprit qui leur permettrait de s'émanciper psychiquement de la tutelle d'eux autres, des plans astrals. C'est ça. Alors que certains peuples, notamment amérindiens, qui chantaient, dansaient, eux passaient par une guidance intérieure. Donc c'était beaucoup plus juste, je trouve. Oui, certainement. Mais c'est sûr. D'ailleurs, Oui, vas-y. ça me fait penser au Nazaréen qui, lui, a fait le sacrifice de son corps, donc le rituel catholique, où il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quelque part, en sacrifiant, parce qu'il s'est sacrifié sur la croix, en sacrifiant lui-même à l'astral, et son taux vibratoire était tellement puissant que je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu percer pour l'humanité, pour le karma de l'humanité, la couche astrale et nous faire accéder collectivement à l'esprit. Bien, c'est sûr qu'en effet, il y a eu des êtres dans le passé qui ont eu un rôle initiatique pour établir la connexion entre l'être humain et puis l'esprit, en effet. C'est ça. Et donc, après, il véhiculait beaucoup d'images, enfin, beaucoup de paroles de paix, de retomber dans l'humain et ne pas tomber dans trop l'esprit ou trop le. En fait, ouais, l'amour, quoi. Aimez-vous les uns les autres. Donc, quelque part, restez dans l'humain et ne partez pas dans des extrêmes. Comme il pouvait y avoir avant beaucoup d'extrêmes, de guerre, enfin plein de choses. Oui, les êtres humains se faisaient la guerre, puis c'était barbare dans le temps du Nazaréen. C'est sûr Ben ouais. qu'aussi le principe de l'amour de l'humain pour l'humain, c'est très différent de l'amour de l'humain pour les dieux. Puis là, que la personne, faut qu'elle se soumette, puis qu'elle se mette à genoux pour faire plaisir au petit Jésus, puis aller à la messe. Exact. C'est Donc, vrai. c'est sûr qu'en effet, il y a eu le principe aimez-vous les uns les autres, une fonction évolutive extrêmement importante, parce que ça a permis de paver la voie par la suite pour la descente d'autres informations pour favoriser l'évolution de l'être humain dans une éthique de respect mutuel. Tantôt, on parlait de couple cosmique. Ben, la notion de vivre un couple en conscience, en relation avec les lois du cosmos, ben, c'est une des résultantes de l'intégration du principe de l'amour. Voilà, exactement. Et dans le principe de l'amour, il y a la notion de gratuité. Parce que tu vois, avant, on disait œil pour œil, dent pour dent. Et après, le Nazaréen dit, bah non, tendez la joue droite, ne rendez pas les coups et faites les choses gratuitement. En gros, il était en train d'énoncer une loi de l'univers qui fait que si on fait les choses de façon désintéressée totalement, c'est-à-dire sans attente, c'est-à-dire de façon gratuite, alors on allait recevoir de façon beaucoup plus puissante qu'on a envoyé. Mais c'est une loi mécanique, bah, moi que j'expérimente et je vois beaucoup de gens qui expérimentent ça, quand tu donnes sans attente, tu ne sais pas pourquoi, tu donnes, et tu t'en fiches de recevoir, parce que tu n'as pas d'attente, et bah, tu reçois forcément. Bien, c'est Tu sûr que des reçois. lois d'énergie au niveau du cosmos, certains vont parler de la loi du dharma, du karma, ça c'est au niveau astral. Oui. Et il y a des réalités derrière ça, mais c'est sûr que l'histoire de tendre la joue à l'autre, moi, la façon que je l'interprète, c'est le contraire. C'est-à-dire, faut pas que la personne se fasse marcher ses pieds par l'autre puis être soumise, puis en vrai, il frappe moi, tu sais. Ah oui, mais tendre la joue, ça ne veut pas dire se laisser faire et se laisser frapper. Ça veut dire ne pas au moins ne pas amplifier le mal, ne pas se venger, mais trouver une solution créative et se respecter soi-même d'abord, tu vois, parce que si on s'est pris un coup, c'est que quelque part on a été enfreint de quelque chose où la matière nous a remis à sa place et on ne s'est pas respecté. Donc c'est d'abord se respecter soi-même, se prendre en compte, s'aimer de façon inconditionnelle. Charité ordonnée commence par soi-même pour après aimer l'autre. Oui, exactement, parce que si la personne ne s'aime pas réellement, elle peut pas réellement aimer l'autre. Oui, c'est ça. Et bien du coup, ça me fait penser à la petite annonce que tu as fait en début d'enregistrement sur les dons que tu demandes. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, en proposant tes enregistrements en gratuité, ben finalement, tu t'exposes à recevoir beaucoup de choses pour ton travail, ton temps, etc. Et donc, le mettre en place un système de dons te permet d'avoir un médium d'ouvert avec la vie qui te permet de recevoir aussi, tu vois. Oui, exactement. Dans le sens que pour moi, s'il y a des gens qui apprécient ces enregistrements-là, puis ont la vibration de partager, qui veulent avoir une dynamique d'échange par rapport à moi, ben, ils sont bienvenus pour donner, mais j'oblige pas personne, tu sais, je force la main à personne. C'est C'est sur ça. Et base après, tu vois, volontaire. je suis pas persuadé que ce soit proportionnel à la pub que tu vas faire des dons que tu proposes de faire, mais plutôt ça sera proportionnel à la non-attente que tu vas avoir d'en recevoir. Exactement. Puis c'est sûr que des fois aussi, je peux recevoir des choses de la vie par rapport à ma famille ou d'autres personnes qui sont en relation indirectement avec mes activités en termes de loi de retour. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'aborder la question de la générosité. Tu sais, c'est quoi de la générosité réelle versus j'allais dire de la générosité de l'ego ou de l'esprit de calcul, là? Bah ouais, c'est ça. Bon, bah c'est super intéressant. Ça fait un peu longtemps qu'on parle. Alors, si on parle trop longtemps, j'ai peur qu'on veuille plus nous écouter parce que c'est. Ben, attends une minute, il y a des gens qui nous écoutent à plusieurs reprises. Ah ouais, On peut c'est mettre vrai. l'enregistrement sur pause. Oui, Donc, c'est vrai. moi, je vais plus avec toi. Tu sais, si tu me dis que tu es fatigué de faire de l'enregistrement, c'est correct, on va arrêter. Sinon, moi, j'avais encore la vibration de parler un peu, mais c'est selon toi. Eh bien, alors moi, il me reste. Là, il n'y a plus rien qui me vient spontanément, mais si tu as des questions, des choses qui te viennent, pour moi, c'est bon, mais si pour toi, c'est encore des choses, n'hésite pas et vas-y, on continue. Parfait. Donc, je te remercie encore une fois de ta générosité en termes de temps et de présence pour avoir accepté cette entrevue. Donc, ce qui me venait en tête, c'est que tantôt, on abordait la question du couple, donc le couple cosmique. Puis, j'avais comme question, sans toi à l'aise de répondre ou non, parce que là, on tombe dans du personnel, si toi, présentement, tu étais en couple. Eh bien oui, on peut dire je suis en couple, mais je me dis pas en couple, mais en relation. Oh, Parce que quel. en me disant en relation, je casse la forme de couple. Ok. Parce que le couple, ça veut souvent dire des attentes, de l'enfermement, des obligations, etc. Donc je suis dans une relation évolutive, c'est-à-dire dans un endroit vibratoire dans lequel je me sens libre, qui me rend libre et qui rend l'autre libre. OK. Mais concrètement, tu vis une relation donc avec une femme Oui. et est-ce que vous faites vie commune? Alors ça, c'est encore en discussion. OK. C'est-à-dire que, alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Comment je vis ça? Eh ben, on peut faire vie commune du jour au lendemain, comme on peut ne plus faire vie commune du jour au lendemain. On peut vivre ensemble 40 ans de suite, comme on peut vivre ensemble que 3 mois de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a, c'est que de l'instant présent, il n'y a pas d'attente par rapport à ça. Il n'y a pas peur de perdre l'autre parce qu'il n'y a rien à perdre. On a tout en nous de ce qu'on vit avec l'autre. On repart chacun avec ce qu'on a touché vibratoirement des deux. Et donc, il n'y a pas de peur. Et donc, il n'y a pas de temps. Là, ça, je ne vois plus de temps. C'est-à-dire que c'est une relation qui est actuelle, mais qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, dans le sens que c'est dans le temps de l'esprit plutôt que dans le temps de l'ego qui cherche à calculer. Ben c'est ça. Parce que dans Et les. Oui. oui, c'est ça. Parce que dans Et les. d'ailleurs, Oui, je vais te laisser parler. j'ai pas trop de photos de moments qu'on a passés ensemble. C'est ça, c'est, tu vois, c'est intéressant. Oui, parce que ça m'indique que tu ne cherches pas à vivre en fonction du mémoriel du passé. Puis à te concocter une nostalgie dans laquelle tu vas te bercer quand tu vas être rendu à 60 ans, puis dire, ah, ben à 20 ans ou à 30 ans, j'ai fait telle chose avec telle personne, puis radoter, puis répéter. Ben voilà, et pareil, dans le futur, on n'imagine ni mariage, ni enfant, ni maison, ni rien. On s'en fiche, on vit et on voit ce qui se présente. Tu vois? Si quelque chose se vient, si une maison vient, la vie nous traverse pour avoir une maison. Si un enfant vient, la vie nous traverse pour avoir un enfant. Mais ce n'est pas notre volonté. Non, exactement. C'est pas la volonté d'ego, c'est pas un mouvement d'orgueil. C'est quelque chose qui se fait naturellement sous la vibration que vous captez de la vie, Voilà. c'est-à-dire de l'esprit. Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça parce qu'il y a des vagues. Parfois c'est ça, parfois il y a des trucs qui viennent se déconstruire. Donc il y a des petites situations où l'un ou l'autre est touché par des mémoires et donc on est à deux pour les déconstruire, pour les accueillir. Mais on a conscience que ce n'est pas l'autre ou que ce n'est pas une attaque envers nous-mêmes, mais que c'est l'autre qui a une peur. Et on est très conscient, notamment au niveau des émotions, que quand quelqu'un a une émotion, eh ben, il ne va pas se retourner contre l'autre, mais il va l'accueillir en lui seul ou demander de l'aide à l'autre s'il en a besoin. Mais en aucun cas, il ne va. Imaginons que j'ai lâché un verre qui s'est brisé par terre, l'autre va avoir une peur bleue parce que dans son Ben, c'est quoi enfance, ça? une peur bleue, bah, ça veut dire Non, avoir non, très la peur. chair vert. Un verre, bah, un verre d'eau. Ah, ok, un verre, excuse-moi, j'ai pas capté ça. Un verre d'eau par terre, donc l'autre va avoir très peur parce que dans son enfance, sa mère lui jetait des verres au visage, par exemple. Et donc là, il va se mettre, j'ai là juste lâché un verre, j'ai pas fait exprès, et elle va se mettre à m'engueuler, à faire nah, mais tu es fou et tout, donc à retourner son émotion en violence contre moi, alors que je ne suis pas le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, c'est la mémoire polarisée qu'elle a de la violence qui lui a été faite dans son enfance. Donc, du point de vue de l'esprit, cet événement est là, pas pour nous séparer ou nous faire du mal, mais pour qu'ensemble, on déconstruise cette mémoire. Et c'est là qu'intervient pour moi un certain équilibre de couple, c'est dans la neutralité émotionnelle et dans la responsabilité individuelle de l'émotion qui nous traverse. Oui, c'est très intéressant ce que tu abordes parce que ça évite que les gens soient possédés par des mémoires souffrantes non intégrées du passé, donc l'énergie astrale résiduelle qui va les amener justement à être névrosés, à faire des crises émotives, puis qu'il y ait des débordements, puis des soubresauts émotionnels. Exactement, et je rajouterais même pour aller plus loin que souvent, même si moi, François, en tant qu'homme, je porte des mémoires de domination en moi, des mémoires millénaires, ce n'est pas moi, ces mémoires, ce sont des mémoires que j'ai. Donc même si la femme les capte et qu'elle a été sous domination pendant des millénaires, on peut aller au-delà de ces jeux et qu'elle ne s'en prenne pas à l'homme que je suis, mais qu'elle s'en prenne intérieurement au masculin et au féminin bafoué en elle, donc au féminin bafoué en elle, et non pas au masculin que je suis qui est à une mémoire. Et donc moi, je vais aussi pouvoir déconstruire cette mémoire, et donc je vais pas persévérer dans ma mémoire qui me maintient dans une gravité terrestre quelque part. Oui, ben c'est sûr que, par exemple, les gens ont été conditionnés en Occident dans un lointain, ben, lointain passé, encore au niveau historique, c'est quand même récent, là, où ce que les hommes dominaient les femmes puis leur disaient quoi faire, comment voter au Ah Québec. oui. Le mari disait à la femme, quand tu vas aller voter là, le jour des élections, vote pour tel parti. Ah mon Dieu. Ah oui, on part de loin. Ici au Québec, là, il y avait les prêtres. Puis là, c'est à peine il y a quelques décennies qu'ils faisaient du porte-à-porte de maison en maison. Puis si la femme du couple n'était pas enceinte à chaque année, là, elle se faisait engueuler par le prêtre, puis il lui disait, faut que tu fasses des enfants pour peupler la terre, puis sinon tu fais de Oui, la peine à Jésus. ça me rappelle quelque chose. Oui, tu l'as dit dans l'enregistrement numéro 1 que j'ai réécouté. Qu'on avait fait ensemble, là? Oui, Oui, oui, c'est oui. ça. On part de loin ici au Québec où ce que je suis, mais en même Ah temps, ouais, vu qu'on j'imagine. est un peuple qui a peu de mémoire, ben, on a une potentialité d'évolution et d'intégration rapide dans le sens que on a moins à se défaire du passé. Oui, alors attention avec ça parce que tu sais, Bernard parlait du peuple québécois aussi, comme ce peuple-là. Donc il y a une vérité globale, mais individuellement, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pareil, le Christ, le Nazaréen parlait du peuple juif, mais pareil, c'est pas, c'est, tu vois, c'est, si on prend l'être dans son individualité, t'as des êtres très évolués en Afrique Oui, ou en certainement. Chine. D'ailleurs, je pense à un de mes auditeurs réguliers, Carnon Yeo, qui est situé en Côte d'Ivoire. Donc, si tu m'écoutes, je te salue. Donc, il y a des gens conscients un peu partout, puis tu as raison de me ramener à l'ordre, parce que, après tout, tantôt, je dénonçais de faire des généralisations, puis là, je suis en train d'en faire une, là. Ouais, c'est pas grave, hein. On reconnaît, là c'est un bon exemple, hop, tu reconnais que tu fais ça, et ben ça va, t'as beaucoup plus de chances que ça disparaisse, que voilà, c'est Non, très c'est bien. sûr qu'il faut que ça soit ajusté, en effet, parce que c'est pas tout le monde au Québec. Quoique chaque peuple a sa vibration aussi. Tu sais, il y a des peuples où la vibration est plus haute, puis un des indicateurs relatifs à ça, moi je n'aimerais pas de nom pour faire de la diffamation, mais le peuple qui va davantage respecter la femme, l'être humain en général, la personne âgée, l'enfant dans ses droits, c'est souvent un peuple que la vibration, de ce que j'ai capté de mon point de vue, est plus élevée que d'autres. Ah bien sûr, bien sûr. Ou l'animal, ce qui va respecter plus l'animal, le végétal, etc. Exactement, exactement. Mais pour en revenir au couple, parce qu'il y avait une question là, qui me brûlait les lèvres, là. Dis-moi. Parce que là, si vous n'avez pas de forme, toi puis la personne avec laquelle tu vis une relation, est-ce que vous vous permettez d'avoir chacun une sexualité libre sans rendre de compte à l'autre? On se permet rien, on se permet tout. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais pas pouvoir te répondre dans la dualité parce que je n'y arrive plus en fait. Donc je vais te répondre comme moi je répondrai. C'est-à-dire que déjà il y a beaucoup à explorer à deux parce que ce n'est plus mon individu qui fait l'amour à l'individu de l'autre, mais c'est un esprit qui fait l'amour à un autre esprit. Donc, c'est très complet, très Mais c'est parce que unifié. la dimension physique existe toujours. Tu sais, Ah oui, bien sûr. tu peux faire l'amour au niveau de l'esprit, comme là, présentement, je te parle. Dans un sens vibratoire, on peut dire qu'on fait l'amour ensemble, mais au niveau de l'esprit, pas sur le plan Exactement, biologique. c'est ça. C'est Ça, juste qu'on n'a pas la di on n'a pas fait descendre dans la dimension physique. c'est ça. Mais oui. Mais avec une femme avec laquelle, ou un homme avec laquelle on a des affinités, c'est ça qui est intéressant, avec laquelle on a fait l'amour au quotidien, c'est-à-dire qu'on s'est ajusté vibratoirement dans dormir ensemble, manger ensemble, se promener, se laisser du temps, être avec les autres. Ça, c'est faire l'amour vibratoirement avec l'autre, ce qui permet une harmonie et qui permet que, après, au niveau de la sexualité, donc de l'amour physique, on fasse descendre dans le physique. et que toucher des niveaux d'harmonie de plus en plus forts. Mais d'ailleurs, ce niveau physique est extrêmement important dans l'évolution. Il permet de mélanger, de relier les énergies, les polarités masculines et féminines que chacun a équilibrées. Donc ça perd ultimement, on peut faire l'amour de façon très lente, quasi immobile, et toucher des états d'extase extrêmement puissants, qui seraient beaucoup plus puissants que s'il y avait des stimulations extérieures des organes génitaux, par exemple. D'ailleurs, en tant qu'homme, j'ai observé, donc moi j'ai découvert tout seul cette sexualité, le plaisir, un moment qui s'est déplacé du pénis jusqu'à la prostate, c'est-à-dire au chakra 1. Et c'était plus une masturbation ou une stimulation de l'organe qui me procurait du plaisir, mais c'était une respiration dans le bas de la colonne vertébrale qui après pouvait monter et émettre dans tout le corps et après pouvoir avoir des orgasmes de tout le corps, mais qui étaient beaucoup plus grands que s'il y avait perte de matière au niveau de l'éjaculation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire vibrer juste cette énergie dans le chakra 1, comme nous le fait croire la pornographie, etc., avec la masturbation et la stimulation et l'éjaculation, eh ben, on respire. Dès que le plaisir monte trop, on respire, on masse avec de l'huile, etc., on se fait masser par l'autre, et on fait monter au chakra 2, puis au chakra 3, et puis jusqu'au 4, et après, ça irradie. En même temps que ça fait monter jusqu'au 4, ça descend du haut jusqu'en bas. Et pour les deux, c'est pareil. Et tu peux toucher des états d'extase qui vont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus qu'un orgasme éjaculatoire, et avec perte de matière. Et après, on est fatigué parce qu'on a tellement perdu d'énergie, de matière, que on ne peut plus continuer. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce plaisir et ces états extatiques soient illimités parce que c'est là qu'on voit que c'est de l'ordre de l'esprit et que c'est plus l'ordre de la matière limitée. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'on pouvait beaucoup souffrir dans notre vie, mais on a du mal à jouir beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin dans des états de souffrance, mais dans des états extatiques, on a souvent peur, ou c'est dur, ou tu vois, on ne sait pas, et on se limite beaucoup aussi. En lien avec ça, je t'interromps, il me vient en tête la programmation religieuse catholique où la souffrance a été glorifiée au Ah, c'est vrai. détriment du plaisir de la chair, qui était vu comme une occasion de péché ou d'égarement spirituel. Voilà. Mais après, c'est un choix personnel, j'ai envie de dire. Est-ce qu'à un moment, on veut continuer à souffrir et que ça nous fait plaisir? Ou est-ce qu'à un moment, on peut se dire que ça nous fait plaisir et c'est sympa de jouir aussi? Exactement. C'est sûr que, en lien avec ce que tu dis, je voulais clarifier, toi, est-ce que tu vis l'éjaculation? Non. L'absence d'éjaculation de matière physique, là, de liquide séminal, de sperme, là, qui sort. Ah oui, ça oui. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'éjaculer, mais c'est extrêmement rare. Enfin, c'est de plus en plus rare, on va dire. OK, parce que c'est sûr que par stimulation, quelqu'un peut atteindre un état au niveau sexuel de plateau, mais sans atteindre le seuil de l'éjaculation en arrêtant avant. Oui, voilà. Mais je Mais trouve ça bon. Et même, oui. il peut, une fois qu'il atteint ça, il masse, il masse, il masse, il respire, il respire, il respire. Et puis, il peut recommencer. Et ça monte à chaque fois. Oui, exactement. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas la perte de semences puis de l'énergie qui est utilisée pour métaboliser les spermatozoïdes puis tout ça, là. Ouais, c'est plus économique sur le plan énergétique. Mais la question de base, c'était de voir si le fait que tu es en relation avec une femme, puis de ce que tu me décris, c'est qu'il n'y a aucune polarité, puis c'est correct, je trouve ça intéressant si tu es capable de vivre ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui est très cartésien ou structuré pourrait trouver ça flou. Puis des fois, si la question de la sexualité n'est pas clarifiée dans le couple, à savoir si il y a une ouverture ou non à avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires, ben tôt ou tard, ça peut créer des conflits, ça. Moi, ce qui me vient, c'est que, parce que pour répondre à cette question qui est encore, pour moi, j'ai du mal à répondre parce qu'elle est vraiment dans la dualité, mais c'est très simple. Si ça vient pas, ça vient pas. Si ça vient, ça vient. Et c'est pas moi qui choisis, donc je m'autorise pas ni je ne m'interdis pas. Et l'autre, c'est pareil. Donc oui, il peut arriver que ça soit ouvert à d'autres personnes, et il peut ne pas arriver que ce soit ouvert à d'autres personnes. Mais c'est pas de mon ressort. Non, mais c'est correct aussi. C'est intéressant parce que tu le vis vraiment au niveau de l'esprit plutôt que de l'ego qui cherche à contrôler. Puis pendant que j'ai posé ma question, ça me dit intérieurement que je cherche trop comme à prévenir. Puis ça fait partie de mes failles d'ego, là, parce que des fois, je vis de l'insécurité. Puis moi, je vais avoir comme tendance à plus vouloir clarifier dans un rapport avec une femme la nature pour pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente blessé ou, comment dire, maltraité ou que. Comment dire? Parce que souvent, les gens ont des attentes. T'sais, si une personne est en relation avec une autre puis a été conditionnée par une société comme la nôtre au Québec, bien souvent, les gens vont s'attendre implicitement que le partenaire va être fidèle, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles exclusives strictement avec elle. Puis pour eux autres, c'est comme un sous-entendu. Bah hélas, mais ce sera un couple basé sur un couple statique, donc mort, avec des attentes, alors qu'un couple sans attente, c'est un couple organique, vivant, dans lequel il peut arriver des choses. Et d'ailleurs, je rajouterai dans cette histoire de choses qui viennent libres, d'amour libre ou pas, si ça survient, les deux vont sentir que c'est juste et que ça va leur faire déconstruire quelque chose, tu vois? Mais C'est pas, ça ils va vont être l'un au sentir, détriment de l'autre. ouais, ils vont sentir que c'est juste si ils sont capables d'intercepter l'intelligence de l'esprit. Oui. S'il y en a un qui intercepte l'esprit, puis l'autre il reste dans l'ego puis l'orgueil, ben il va dire c'est pas juste, puis là il va vibrer à l'astral, puis là ça va créer des conflits, puis ça va créer des tensions. Ben, j'ai envie de dire, si c'est du vrai esprit que touchent les deux, alors les deux sentiront juste. Si c'est des illusions d'esprit et que en fait il y en a un qui croit que c'est son esprit, mais en fait c'est que il veut juste se faire plaisir et, au détriment de l'autre, etc. Ou que l'autre se force à accepter une situation qui ne lui va pas au détriment de lui-même et qui croit que c'est son esprit, c'est du faux esprit. Donc c'est pas, Exact. ça ne marche pas. Exact. C'est ça ce qui me vient en tête, c'est qu'en réalité, c'est à travers des événements, comme par exemple quelqu'un qui a des relations sexuelles avec un autre partenaire, que là, ça donne une mesure dans le concret à quel point les gens sont libres de la forme puis sont capables de traiter Mais avec la oui. vibration. Ouais. Et puis l'esprit, il n'est pas méchant. Il agit graduellement avec nous. C'est-à-dire qu'il ne va jamais nous faire coucher avec quelqu'un d'extérieur d'abord. Ça, ce sera en dernier recours s'il n'arrive pas à nous faire dépolariser, par exemple, la mémoire de jalousie. Il va d'abord nous amener la cousine dans les parages et avec un jeu de regard, des choses comme ça, pour voir si on est jaloux ou pas. Ensuite, il va, je sais pas, tu vois, il va faire qu'il y a une amie, etc. Et mais en dernier recours, il nous poussera à quelque chose comme ça, tu vois. C'est plus intelligent que ça, l'esprit. Bien que l'esprit s'atteste, ça peut laisser l'astral faire des tests à notre personne pour qu'on Ouais. devienne aussi intelligent que lui. Bah ouais, c'est vrai. Mais bon, à un moment, je pense qu'on est dans une spontanéité, une intelligence qui permet vraiment de déjouer une neutralité face à ça. Il y a un regard intelligent et non polarisé sur la vie, dans lequel le mal n'est pas forcément mauvais, et du coup on vit les choses beaucoup mieux. Oui, exactement. Mais c'est sûr que c'est intéressant d'aborder le couple, notamment par rapport à ton vécu. Ouais. Parce que souvent, les gens, en tout cas dans les commentaires que j'ai eus, c'est comment vous vivez ça, l'histoire du couple cosmique. Puis il y a beaucoup de gens qui voient ça d'une manière très théorique. Mais Ouais. en lien avec ce que tu vis, la personne avec laquelle tu es en relation, elle, dans le fond, est à l'aise avec ça, qu'elle n'ait pas de forme par rapport à la fidélité. Et oui, et c'est rare, et bah, il a fallu que moi, je sois d'abord à l'aise avec ça, etc., pour rencontrer une personne dans la même vibration que ça. Parce que si je ne rencontrais pas avant, bah, c'est que j'en étais pas là, tout simplement. C'est juste que j'avais encore du karma de la femme à intégrer, du karma de l'homme à déconstruire, etc. Donc, il faut pas s'impatienter. Le couple cosmique, il démarre à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il est aussi dans un couple déséquilibré. Si on a envie d'aller à droite à gauche dans des couples déséquilibrés, c'est du couple cosmique temporaire, dans une forme temporaire, parce qu'il va nous permettre de grandir là où on en est dans l'humain, où on en est aujourd'hui. Le pire de tout, c'est les personnes qui vont vivre une illusion de couple cosmique. Ça va en fait les arrêter net dans leur évolution, c'est-à-dire qu'ils vont pas vivre matériellement ce qu'ils doivent vivre. Alors qu'il y en a qui doivent vivre d'être célibataire 3 ans, il y en a qui doivent vivre de coucher avec 10 personnes en une semaine. S'ils ne le font pas, ben ils vont stagner. Ils devront le faire un jour ou l'autre de toute façon. Oui, puis ils Donc font juste sexe. retarder l'échéancier. Oui, suivre sa vibration intérieure. Qu'est-ce que ça nous dit de faire? Par quoi on est porté? Qu'est-ce qui nous met en joie? Est-ce que c'est d'aller vers cet homme, vers cette femme, tout de suite? Ou est-ce que c'est de ne pas le faire, etc. Tu vois? Le couple cosmique tel que décrit théoriquement par Bernard ou par d'autres, c'est dangereux pour moi. Oui, exactement. En lien avec ce que tu disais, je trouvais ça intéressant parce que ça me ramène à ma propre expérience. En réalité, j'ai été 12 ans avec mon ancienne compagne. Et puis, en réalité, c'est elle qui a mis fin à la relation. Puis, c'était correct dans la vibration, j'ai capté ça. Mais en réalité, on était supposé de se séparer avant, mais je continuais à rester à elle. Puis, je m'acharnais un peu dans mon ego par insécurité, par peur de ne pas être en mesure par la suite de rencontrer une femme qui soit capable de tolérer le fait que, par exemple, je vais canaliser, je vais être en contact avec du monde qui œuvre dans le domaine du supramental, parce que c'est pas tout le monde qui sont ouverts à ça. Puis mon Ah ouais. insécurité de pas rencontrer d'autres personnes faisait en sorte que je continuais à rester avec elle, donc je m'entêtais. J'entends, j'entends. Et c'est une peur classique, mais David, je te rassure, je te promets que ça n'existe pas. C'est-à-dire que la mécanique est telle que tu ne peux que rencontrer magnétiquement et électriquement attiré et l'autre aussi par une personne de même vibration. Ce n'est pas possible de ne pas rencontrer de personne là où tu en es ou là où la personne en est. L'esprit passe, enfin l'esprit s'arrange pour ça, même si ça doit lui faire traverser la planète, même si ça doit lui faire quitter tout son ses jobs, ses enfants, etc. Il y a quelque chose qui va se passer intérieurement de l'ordre du magnético-électrique qui va pousser de façon complètement irrationnelle quelqu'un à quitter sa vie extrêmement équilibrée, tu vois. Oui, exactement. La personne va connaître un élan intérieur Oui. dans son temps. C'est sûr que moi, depuis la rupture avec ma compagne, en fait, c'était au mois de mai de l'année 2018, par la suite, ça me dit intérieurement, accepte puis assume-toi en tant que célibataire. Donc, au Mais lieu de moi j'ai eu le co. problème. Oui, c'est ça. Moi c'est le problème inverse que j'ai eu, c'était que j'arrivais OK. pas à être célibataire. Oh! C'est-à-dire que l'esprit m'imposait une nouvelle personne. Alors c'est très juste à chaque fois, mais j'arrivais pas à avoir une période de célibat. Mais parce que c'est pas moi qui décidais, c'est l'esprit qui me mettait quelqu'un, puis quelqu'un, et voilà. Puis, pourquoi que, qu'est-ce que ça dit par rapport à pourquoi qu'il te mettait en contact avec plein de gens comme ça puis te donnait pas un répit? Bah parce que je n'en avais pas besoin. OK. Tandis que. C'était là où j'en étais, et Ouais. à chaque fois c'était juste. Et parfois le répit était de 2 semaines, parfois d'un mois, mais ça n'a jamais été un an, tu vois. Parce OK, non, je comprends. C'est sûr que qu'il y moi. a un moment, tu es prêt, quoi. Tu es Oui. prêt vraiment à affronter le couple. Tu as les outils nécessaires individuels en toi. Tu as été assez célibataire pour intégrer des concepts, des polarités, etc., de façon incarnée. Et après, tu ne peux que rencontrer des personnes, et même c'est quasi impossible de ne plus en rencontrer. Non, exactement, parce qu'après tout, l'esprit, dans son essence, c'est communication et échange. C'est ça. Donc, Ben oui. ouais. Mais Exactement. c'est intéressant, parce que dans mon expérience, quand que j'étais en couple avec elle par insécurité, par peur d'être tout seul, parce que dans ma dynamique personnelle, en réalité, j'ai grandi dans une famille, et puis par la suite, j'ai pas été tout seul en appartement. J'ai été vivre avec ma compagne, donc j'ai passé du vécu avec ma mère puis mon frère, au vécu avec ma compagne. Fait que j'ai jamais été seul. Puis là, je me suis ramassé l'année passée à 37 ans à expérimenter le vide. Donc, chez moi, être tout seul dans un domicile. Puis j'avais peur de me ramasser tout seul. Puis là, je vis ça. Puis finalement, ah, je me sens bien. Puis à quelque part, là, je m'assume dans ma solitude. Puis finalement, je réalisais que j'avais des craintes qui étaient non fondées. Mais ben oui, exactement. Et c'est magnifique ce que tu vis. Parce qu'en effet, si toi tu t'assumes, t'arrives à être dans un appartement ou à une maison propre, à te faire à manger, à vivre bien et d'être heureux seul, eh ben, je peux t'assurer que tu ne peux que rencontrer quelqu'un. Parce que pour un meilleur équilibre, je pense que les personnes qui sont dans une, qui ne, qui rencontrent du monde tout le temps, c'est que elles pourraient être seules à tout moment. Sans problème, tu vois. Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rencontrent tout le temps d'autres personnes au niveau astral parce qu'ils sont Ah dans un oui. mouvement d'âme. Oui, Mais parce que si tu l'entends dans le niveau, au niveau de l'esprit, c'est réel aussi, ouais. donc voilà. Non, mais c'est des considérations intéressantes. C'est sûr que, dans le fond, en lien avec ce que tu dis, ça nous ramène au fait que, à quelque part, il faut dépasser la peur et les insécurités. Bah oui. Et les C'est dépasser, c'est juste les observer, en fait. exactement. Mais moi, c'est sûr que je suis curieux par rapport à ce que tu vis avec ta connaissance, là, la femme. Si, dans le fond, parce qu'en réalité, je pense présentement à l'un de mes amis qui me confie qu'il a l'incapacité de rencontrer une femme qui est capable de supporter le fait qu'il dise que justement, là, il est avec elle, demain, il ne sait pas s'il va être encore avec elle, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas capable de rencontrer une femme qui est capable d'accepter le fait de ne pas avoir de garantie, puis d'éléments qui certifient la nature de l'union. Puis, Ouais, ouais. bah, ça fait partie de son initiation, c'est-à-dire que lui-même n'est pas au clair avec ça. C'est mathématique, hein. C'est que il est persuadé, il a une croyance limitante que les femmes ou les femmes qu'il rencontre ne veulent des garanties, etc. Et lui-même a besoin de garanties sur lui-même parce que sinon il n'émettrait pas ce signal-là et n'attirerait pas cette femme dans son aura. Ah, c'est intéressant. Fait que ça me ramène aussi au fait que dans mon expérience présente, je suis en contact avec des femmes, mais c'est au niveau de l'amitié. Tu sais, j'ai des interlocutrices un peu partout dans le monde. Oui. Puis il y a une certaine distance. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est parce que là, si tu rencontres des filles qui sont pas proches de chez toi, c'est parce que quelque part, vibratoirement, tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un à proximité de chez toi, là. Alors c'est intéressant, en effet, tu pourrais te poser la question, Oui. quelle est l'estime de sex appeal que tu as de toi? Est-ce que tu te sens un être extrêmement sexy et sensuel qui attire les femmes? Ou est-ce que tu as une croyance sur toi qui est que tu ne conviens pas forcément, etc. Tu vois? Ouais, ben, tu soulèves une bonne question. C'est sûr que présentement, je suis pas nécessairement en mode séduction. Tu sais, il n'y a pas une volonté présente chez moi d'être actif puis d'approcher des filles dans les restaurants puis les occasions. Je demeure plutôt réservé. En fait, présentement, j'intègre beaucoup la solitude. Ça fait pas encore un an que j'ai vécu la séparation de ma compagne. C'était au mois de mai. Là, on est au mois de février. Ça approche. Mais j'avais comme objectif intérieurement de passer au moins un an seul pour vraiment intégrer sur un cycle complet la solitude. Puis, à ce moment-là, de développer par rapport à la solitude un rapport qui est stabilisé. Parce qu'avant, je vibrais à la peur par rapport à l'idée de me retrouver seul. Puis, en faisant un an, puis toutes les étapes, les saisons, mais là, je me dis, OK, j'ai l'autonomie, puis je me sens à l'aise là-dedans. Donc, à ce moment-là, que. Si je rentre de nouveau en relation avec une femme, je ne resterai pas avec elle pour des raisons d'insécurité psychologique parce que je suis capable de faire ma vie tout seul sur un an, puis éventuellement le reste de ma vie tout seul aussi. Bien sûr, parce que de toute façon, quand tu es en couple, normalement, tu es autonome aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de l'autre. Tu es en couple parce que les deux créent ensemble quelque chose de nouveau, mais pas parce que seul, on a un manque, tu vois? Exactement. Quoique le modèle traditionnel dans le passé qu'avaient nos ancêtres au Québec, c'est que le couple était créé pour la procréation, pour avoir des familles nombreuses, puis le rôle de l'homme, c'était d'être le pourvoyeur, de travailler, d'amener de l'argent, du pain sur la table, et la femme de s'occuper des enfants, des éduquer, puis de laver les vêtements, puis de s'occuper de l'entretien de la maison, puis faire à manger. Bon, c'est fini tout ça maintenant. On a une intelligence qui nous permet de s'adapter, de trouver des moyens pour vivre de façon harmonieuse et dans la joie et la beauté. Il n'y a aucun problème. Oui, exactement. Puis les êtres en s'individualisant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a les technologies modernes. T'sais, on a les micro-ondes, on a dit, ben, c'est pas nécessairement tout le temps souhaitable d'utiliser ça là, pour faire réchauffer de la nourriture, là. Je me Ah ouais, en rétracte un effet. peu, là. C'est pas l'idéal, la différence de la nourriture crudivore, c'est clair, là. Mais bon, on a des moyens de se débrouiller qui fait en sorte que quelqu'un, homme ou femme, la personne peut travailler, peut se faire à manger elle-même, le ménage, et ainsi de suite. Ben ouais. Fait que c'est ça. Yes. Ouais. Bon, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que ça... Parce qu'il y a mon chat qui commence à me dire que c'est fini en passant plusieurs fois devant l'écran. Non, mais c'est bien correct. À ce moment-là, en effet, on va conclure l'enregistrement. Donc, écoute, ben, je te remercie infiniment, François, là, pour tout le temps que tu as consacré. C'est un plaisir, David. Un plaisir. Et comme je te dis, maintenant, je vais plutôt vivre tout ça en moi et dans ma vie quotidienne et tout. Et je, voilà, je vais parler une fois, c'est intéressant. Et puis on verra dans plus longtemps si jamais il y a quelque chose qui revient. Mais je pense pas pendant un moment là, en tout cas. Voilà. Non, mais c'est bien correct. Pour moi, l'important, c'est que tu te respectes. Voilà. Par contre, c'est sûr que j'aimerais avoir le privilège d'éventuellement peut-être discuter avec toi là, dans une couple de semaines, là, si tu en as envie. Oui, ensemble, on peut discuter. Oui, bien sûr, on peut s'appeler quand tu veux. Aucun souci, avec plaisir, David. Ouais. Donc, c'est bien parfait, François. Donc, encore un gros merci, surtout pour les dernières minutes là où je te parlais plus de ma situation personnelle. Donc, j'ai Oui. apprécié beaucoup l'éclairage que tu m'as permis d'avoir sur ma situation. Et comme Bernard de Montréal le disait, on n'est pas intelligent tout seul, d'où Exactement. l'importance de bénéficier d'individus dans son environnement, d'interlocuteurs qui nous permettent de voir certaines choses par rapport à soi-même, à sa dynamique, et ainsi de suite. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je fais des entrevues avec multiples invités, parce qu'ils me permettent d'avoir accès à une perception multiple du réel. C'est ça. Ben en tout cas, merci pour ton authenticité, ta confiance et puis ce que tu permets, hein, que l'expression d'une diversité de personnes. Oui, donc ça fait plaisir. Et puis en terminant, bien, c'est sûr que s'il y a des gens qui ont apprécié particulièrement l'enregistrement et qui veulent me supporter financièrement dans un mouvement de générosité, eh bien, vous pouvez me faire parvenir un don par PayPal en argent canadien. Donc, en faisant un virement à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra, au commercial hotmail.com. Sinon, là, c'est vrai, je complète. Et je remercie toutes les personnes qui vont avoir écouté cet enregistrement.